Chers collègues, je vous demande de bien vouloir prendre place. Et je vais, Monsieur Jamais, vous êtes bien dissipé, Monsieur Jamais. Vous n'avez pas vu pendant de longs mois, s'il vous plaît. Vous êtes très dissipé. C'est vrai. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, plus sérieusement, je procède à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard De Noël, Émilie Trigo arrive, Vassin Doucissé, John Jibiro, Hissène Ouznissi arrive, Yasmina Sadoud, Jean Choki Haddad, Edith Félix a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Brahim Akrour, il est là, Merlan Georges m'a donné pouvoir, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval a donné pouvoir, Elham Chahir, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Ndaye Mariam Diop, Kaline Tribi, Camille Chahir, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Zora Kelly a donné pouvoir, Grégoire de la Gannerie, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desborti a donné pouvoir à Laurent Jamais, Claire Laurence a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Solène Le Bourris. Donc, nous avons une demande de prise de parole des parents POI de Joliot-Curie. Vous avez la parole sur le périscolaire, sachant que c'est la dernière fois que je l'ai précisé. Je donne la parole sur le sujet, puisque nous en sommes à 7 ou 8 questions récurrentes sur le sujet depuis un an. Donc, les personnes qui nous ont demandé la parole pour Joliot-Curie, vous avez la parole. C'est vous, madame. Allez-y, madame. On vous apporte un micro. Bonsoir, oui, ça marche. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous intervenons ce jour au nom des parents des élèves Joliot-Curie maternelle et primaire, et non pas au nom de parents d'élèves POI, tels que vous l'avez mentionné, monsieur le maire. J'avais cru, pardon. Eh bien, je rectifie. Parce que j'ai eu communication de la pétition qu'a lancée monsieur Tenoz sur le sujet, donc autant pour moi pour cette incompréhension. Voilà. Allez-y, madame. Nous sommes donc juste les parents, les représentants des parents d'élèves de des écoles Joliot-Curie primaire et maternelle. Donc de nombreux problèmes sont venus perturber la rentrée de nos enfants depuis 3 semaines. Je vous fais rire, monsieur Vionnet. Allez-y, madame. Vous avez, durant l'été, voté un nouveau règlement des activités et services périscolaires. Celui-ci fait fi de la concertation qui nous a tous mobilisés durant l'année scolaire précédente et revient sur des décisions qui ont été prises ici même, en votre présence, monsieur le maire, dans cette salle. Nous avions convenu ensemble d'un quota d'absence non anticipé et non facturé. Cette souplesse a disparu du règlement actuel et la présentation d'un certificat médical est obligatoire pour toute absence. Cela va précipiter de manière inutile tous les parents dans les salles d'attente des médecins, allant à l'encontre des recommandations de tous les syndicats des professionnels de santé et du ministère de la Santé lui-même. Vous aviez également admis que certaines professions devaient pouvoir bénéficier d'exemptions. La liste est bien évidemment impossible à déterminer sans injustice et nous avions convenu qu'un justificatif employeur pouvait attester de l'impératif d'être mobilisable du jour pour le lendemain. Ces dispositions n'apparaissent nulle part dans le règlement actuel. Alors oui, pour reprendre vos mots, des modalités de réservation plus flexibles ont été mises en place. Oui, 2 jours de délai sont toujours mieux à prendre que 8 jours, comme initialement proposé. Mais cela ne suffit pas, surtout quand, encore une fois, ce sont des ajustements dont nous avions tous admis qu'ils étaient légitimes. Nous maintenons donc notre demande d'un retour à la tarification au réel et à minima, en urgence, l'ajout d'un quota d'au moins 6 autorisations d'absence non facturées, l'abandon de la surfacturation de 50% en cas de présence non anticipée et des exemptions sur présentation d'un justificatif employeur. Concernant la cantine, cette rentrée se fait sur les chapeaux de roue. Manque crucial de personnel, matériel en panne prolongée, 3 frigos sont hors service en alimentaire depuis des mois. Et donc les PAI doivent du coup être stockés chez les maternelles. L'organisation défaillante qui ne laisse pas aux enfants, ou en tout cas pas à tous les services, le temps de manger confortablement et vaisselle jetable. En 11 jours de service de cantine sur le temps scolaire, de très nombreux manquements ont déjà été constatés. Et ce, alors même que les tarifs ont fortement augmenté pour tous. Alors même que vous avez alourdi la charge mentale des familles, justement pour mieux anticiper les repas. Ce n'est pas acceptable. Vous demandez aux parents d'être exemplaires. Cette exemplarité doit être réciproque. À chaque problème remonté, à chaque incident signalé, des explications toujours conjoncturelles sont proposées, parfois des excuses formulées. Mais à quand les moyens, l'organisation et la collaboration pour régler durablement les choses ? Quand remédieriez-vous sur le long terme au dysfonctionnement afin que nous puissions tous enfin s'occuper de ce qui est important ? La qualité des repas, l'éducation au goût, la lutte contre le gaspillage, l'accès équitable aux services périscolaires pour tous. Depuis 3 ans, rien ne change. Nous demandons donc des couverts propres et plus de vaisselle jetable, que le personnel nécessaire soit enfin embauché, que les réparations et la maintenance soient effectuées et tenues sur la durée. Cette année encore, les grandes sections de maternelle à Joliot-Curie ne bénéficient pas d'une ATSEM à temps plein. C'est ingérable pour les enseignants dans des classes à près de 25 enfants, non classés en REP comme c'est le cas pour Joliot-Curie. Et c'est contraire aux échanges que nous avions eus l'année passée avec vous. Nous demandons donc que le personnel nécessaire soit enfin embauché et qu'il y ait une ATSEM dans chaque classe de maternelle. Alors, en nous donnant la parole ce soir, monsieur le maire, et vous venez de le rappeler en introduction de ce conseil, vous nous avez rappelé que tous ces sujets avaient déjà fait l'objet de nombreuses interventions des parents depuis 3 ans. Nous ne savons pas sincèrement qui de vous ou de nous en est le plus navré. Si depuis 3 ans, les mêmes sujets suscitent encore et toujours les mêmes questions et les mêmes débats, c'est peut-être qu'il y a un problème dans les réponses apportées et que les conditions dans lesquelles ces réponses interviennent ne font qu'empirer une situation déjà dégradée. Merci. Merci Madame Cédric Pape pour la réponse. Merci Monsieur le maire. Mesdames. Alors tout d'abord, je souhaite vous rappeler que le règlement périscolaire a été voté à l'unanimité de ce conseil municipal et grâce à ce vote, les règles ont été assouplies. Donc nous sommes déjà allés dans votre sens et c'est tout à fait normal et légitime. Et c'est tellement légitime qu'effectivement l'ensemble des élus ont voté cet assouplissement lors du conseil municipal. Ça, c'est le premier fait. Donc quand vous dites que rien n'a changé depuis 3 ans, c'est déjà c'est déjà erroné. Deuxièmement, il n'y aura pas de surfacturation, ça c'est la nouvelle pour vous qui est importante, pour la première semaine. Voilà. Ensuite, l'organisation de la cantine, les investissements de la ville ont été importants ces derniers mois sur l'outil de cuisine centrale municipale. Je pense que vous avez pu lire tous les investissements que nous avons pu faire sur la centrale municipale. 310 000 euros ont été investis dans la cuisine centrale en 2023. Depuis 2016, la ville a consacré 1,2 million d'euros à la modernisation du service municipal de restauration pour garantir sa pérennité. Nous y sommes attachés. Nous avons voté des investissements et ces investissements ont été réalisés puisque la cantine a été fermée quand même pendant un certain temps l'année dernière. Le fournisseur de denrées alimentaires demeure Sodexo pour l'instant. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait des soucis avec ce fournisseur. Des échanges avancés avec le syndicat mixte Table Commune, ex-Siresco, que certains élus connaissent au sein de ce conseil municipal, permettent d'envisager une collaboration future dans les prochains mois. Depuis cette rentrée 2023, les équipes municipales représentent sur le temps de restauration disposent d'outils informatiques permettant un pointage direct et au réel des enfants présents dans les écoles. Il ne nous paraît pas possible aujourd'hui à la majorité municipale, là j'aurais plutôt une mauvaise nouvelle par rapport à vos revendications, de revenir à la tarification réelle. La refonte du projet éducatif territorial à venir prochainement sera l'occasion de retravailler le contenu et le sens de la pause méridienne. Ça c'était pour la cantine, j'espère répondre à vos questions. Sur les effectifs des ATSEM, Comme vous le savez, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois lors de différents conseils municipaux, une campagne de recrutement est en cours. Nous avons des difficultés, mais comme beaucoup de communes, à avoir suffisamment de candidatures pour l'ensemble des postes ouverts sur le temps scolaire. Donc ce n'est pas un problème d'ouverture de poste, c'est un problème de candidature. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Cela concerne autant les ATSEM que les agents d'entretien. Et évidemment, là, je fais un appel à l'ensemble des élus, mais aussi à l'ensemble des personnes. Si vous avez des candidatures, nous les prenons avec plaisir et nous les étudierons avec sérieux, parce que très clairement, le souci n'est pas un manque de volonté de ce conseil municipal. Je pense que vous le savez aussi, c'est vraiment un problème de candidature sérieuse. Sur les ATSEM, une réforme mise en place en cette rentrée 2023 vient clarifier leurs fonctions et les recentrer sur les missions d'assistance pédagogique. Dès lors, à terme, il n'est plus prévu d'ATSEM sur les classes de grande section, mais les équipes sont bien confrontées sur les classes de petite et moyenne section. Voilà les réponses suite à votre intervention. Oui. Bah, écoutez, madame, on a un travail en cours. Si vous le souhaitez, l'administration se tient à votre disposition pour avoir une réunion technique sur le sujet, sans aucune difficulté. Voilà, avec plaisir, madame. Donc, monsieur Merzi, qui est là, va venir vous voir. Monsieur Merzi va venir vous voir et va prendre vos coordonnées pour organiser une rencontre. Ben, on vous a répondu, madame. Donc, après que notre réponse... Madame, si vous me permettez. Madame, on est venu à 48 heures avant. Donc, que notre réponse... Madame, que notre réponse ne vous satisfasse pas, je l'entends. Mais voilà, aujourd'hui, le règlement a été remodifié début juillet. Il a été adopté à l'unanimité du conseil municipal et il a vocation à s'appliquer. Voilà. Si, on a beaucoup travaillé, madame, on a beaucoup travaillé. Mais madame, à un moment donné, vous m'avez même expliqué que c'était une liste à la Prévert qui avait trop d'exemptions. Donc là, ce que l'on vous a proposé, ce qu'on met en œuvre, c'est on ramène à 48 heures. Voilà. Madame, je vous remercie. Monsieur Merzi se tient à votre disposition pour travailler sur le service de Joliot-Curie. Nous allons reprendre le cours normal du conseil municipal. Nous avons... C'est un vœu qui a été déposé par le groupe Ensemble pour Bagnolet, qui sera examiné en fin de conseil municipal. Donc la première délibération concerne la décision modificative numéro 1 pour l'exercice. On doit peut-être 2023. Adopter le compte-rendu de la séance précédente. Donc est-ce qu'il y a des observations sur le PV ? Oui, une tout à fait légère, mais page 23, vous me faites dire, au haut de la page, page 18, là aussi on va s'abstenir de manière pas positive mais en vigilance. Et évidemment, la suite laisse démontrer que nous sommes vigilants, mais donc il faut enlever le pas devant positif. Voilà. Donc il faut enlever le pas devant positif. Page 18, c'est la première phrase tout en haut. Pas de souci. Sinon, il y a d'autres observations sur le PV. Donc je propose de l'adopter qui est pour, avec cette rectification, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Décision modificative numéro 1. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, quelques mots avant de vous donner la parole. Il vous est proposé ce soir de délibérer sur cette première décision modificative de l'année. Il s'agit d'un vote important qui nous permet d'ajuster nos prévisions budgétaires en fonction des réalités auxquelles nous sommes confrontés et réalités auxquelles nous avons été confrontés. J'avais eu l'occasion de le dire lorsque je vous ai présenté le budget primitif pour 2023 il y a quelques mois maintenant. Cette décision modificative n'échappe pas, elle non plus, à la règle. Elle est sincère. Sincère parce que nous ne fabulons pas sur de potentielles recettes que nous n'obtiendrons jamais, comme ce fut le cas ici, ou sur de potentiels emprunts que nous ne pourrions pas lever. Arrêtons-nous quelques instants sur les crédits inscrits en 2023. Nombreuses sont les recettes dont nous connaissons d'ores et déjà les montants précis et qui viennent asseoir la DM que nous vous proposons de voter. Nous avions prévu 350 000 euros d'amende de police qui constituent, pour rappel, des subventions d'investissement. Elle s'élève finalement à 942 964 euros. La notification a été reçue. Le montant ne bougera plus. Je ne résiste pas ici à l'occasion de saluer la mobilisation des agents de surveillance de la voie publique qui, quoi qu'en disent certains esprits chagrins ou quelques esprits grincheux, sont sur le terrain et sont mobilisés. Je ne résiste pas non plus au plaisir d'adresser mes sincères félicitations, et je n'en doute pas, celles de l'ensemble du conseil municipal, à M. Bellil, qui est ici présent et qui vient d'être assermenté comme policier municipal, bravo Abdallah, grâce à notre mobilisation et à l'écoute du préfet, et qui prêtera serment la semaine prochaine. Et un second poste de policier municipal est aujourd'hui ouvert au tableau des effectifs, où figurent trois postes, je le rappelle, depuis, on a eu l'occasion de le dire, une douzaine d'années maintenant. Les subventions du CIPEREC qui totaliseront d'ici la fin de l'année plus de 200 000 euros, une subvention de la métropole du Grand Paris de 210 000 euros et une autre de 149 000 euros pour l'acquisition de locaux commerciaux dans le cadre d'un plan de redynamisation des centres-villes vivants, 144 000 euros de subvention du Fonds vert pour la piétonnisation de la rue Raoul-Berton, 60 000 euros du même fonds pour la débitumisation de la cour d'école à Vallon, projet qui sera mené pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 50 000 euros de subvention au titre du plan vélo, enfin près de 40 000 euros de décil. Vous le voyez, les faits sont têtus. Une de nos collègues illustres nous disait en début de mandat, il faut que le fric pleuve sur Bagnolet. Nous ne faisons pas que des vœux, nous allons concrètement chercher des subventions, trouver des financements pour porter des projets ambitieux pour notre ville, et je remercie les services municipaux concernés et mobilisés sur ce sujet. À cette sincérité que j'évoquais, il y a aussi notre prudence. Certains ici ou là racontent le contraire, mais concentrons-nous sur les faits, rien que les faits. Les faits sont simples. L'autorisation d'emprunt que nous vous proposons d'actualiser à l'occasion de cette DM est inférieure, comme chaque année, à celle votée lors du budget primitif 2023. Elle passe de 10 millions d'euros à 5,5 millions d'euros. Et tenez-vous bien, nous poussons la prudence et la sincérité à tel point que les 5,5 millions d'euros inscrits dans cette DM sont d'ores et déjà acquis et signés. Par ailleurs, il me semble important de relever quelques éléments dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises par le passé. En investissement, nous avons obtenu l'autorisation d'étalement du remboursement de la taxe d'aménagement Europe Équipement. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui suivent nos débats avec assiduité, cette taxe d'aménagement que nous avions perçue par le promoteur Europe Équipement pour un projet porté sur l'avenue Gallieni. Le permis de construire étant devenu caduc et le projet modifié en raison de la pandémie de Covid-19, le remboursement total s'élève aujourd'hui à 6,7 millions d'euros et s'étalera sur les 4 années à venir. En investissement aussi, cette fois-ci en produits, nous enregistrons la cession du parking P5. Le débat sur le fait d'être propriétaire d'un parking en entrée de ville est légitime. Cependant, la clarté à laquelle je vous appelle doit aller de pair avec la clairvoyance qu'il nous faut dans ce dossier. Depuis de trop nombreuses années, l'exploitation de ce parking a un coût prohibitif pour la collectivité. 180 000 euros de dépenses de fonctionnement chaque année en charge nette. Son état de délabrement est tel que les finances nécessaires à sa réhabilitation sont loin de notre portée. À celles et ceux qui disent que nous bradons le patrimoine municipal, je les mets au défi, avant la signature de l'acte de cession, de porter à ma connaissance des offres supérieures à celles qui pourraient être proposées jusqu'ici et qui va faire l'objet d'une délibération tout à l'heure. Un commercialisateur spécialisé dans ce type de bien a œuvré dans ce dossier afin de maximiser l'offre qui vous est faite. En investissement toujours, cette décision modificative est l'occasion de maintenir un haut niveau d'investissement au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais. En adoptant cette délibération, nous permettrons la mise en œuvre d'importants projets de modernisation de notre administration. Nous le devons aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais. En fonctionnement, enfin, en ce qui concerne les ressources humaines, c'est un sujet que nous avons abordé au cours du débat sur le budget primitif. Nous arrivons en effet à contenir l'augmentation des charges de personnel à 280 000 euros. Près de 200 000 euros correspondent à la revalorisation du point d'indice de 1,6%. Par ailleurs, le dispositif de prévention et de médiation mis en place pendant la période des violences urbaines nous coûte environ 40 000 euros supplémentaires de charges en dépenses de personnel pour rémunérer les agents. Voilà, chers collègues, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance dans le cadre de cette décision budgétaire modificative. Monsieur Lyonnais. Non, non, il faut que ce soit... Là, c'est mieux, là. Là, c'est bien. C'est mieux, tu vois. Merci. Il n'y en aura jamais. Bon. Oui, donc je disais que je vous ai écouté avec attention et je voulais être aussi extrêmement factuel sur les éléments qu'on trouve dans cette décision modificative. Bon, le côté dépenses, le principal élément qui change un peu les équilibres, c'est le lissage du remboursement de la taxe d'aménagement d'Europe Équipement que vous venez d'évoquer. Donc j'entends bien que ce lissage qu'ont autorisé les services des impôts, ben, ça permet de faire moins mal tout de suite. Le coût est moins brutal et rude, mais ça va quand même être une douleur lancinante, puisque c'est pendant 4 ans 1,7 million d'euros à rembourser. Donc, bon, c'est pas une économie, c'est juste un étalement. Ensuite, sur le chapitre des dépenses, il y a des choses sur lesquelles je ne m'appesantis pas, parce qu'il y a des délibérations spécifiques sur ces sujets. Le cadeau du terrain PIF et les coûts de dépollution qui ont encore monté, le xème transfert de maîtrise d'entreprise sur pêche d'or qui va engendrer aussi des réexamens des prix et pendant ce temps, aucune école ne se réalise. Et puis surtout, ce qui permet globalement une décision modificative avec des éléments comptablement positifs, c'est le fait qu'il n'y a toujours pas de dépenses significatives sur les priorités d'investissement de la ville, et notamment la question des écoles, puisque de manière récurrente depuis des années, vous promettez Pêche d'Or, vous promettez Langevin, vous promettez Centre-Ville, vous promettez Jules Ferry, mais à ce jour, il y a quelques études... Mais il n'y a toujours pas d'investissement significatif et l'équilibre du budget et de l'ADM serait bien différent s'il y avait un volume d'investissement significatif pour les écoles, qui, je pense, est une priorité largement partagée. En matière de recettes, vous avez cité un certain nombre de subventions, tant mieux. Alors, un certain nombre, d'ailleurs, sont, entre guillemets, automatiques. Le fonds de la région Île-de-France, il est versé à toutes les communes. Il ne relève pas spécialement de la recherche de subventions, mais d'un droit. Le fonds exceptionnel que l'État a mis en place pour les CMS, la DSC de la métropole du Grand Paris, bon, tout ça sont des mécanismes automatiques. Bagnolet y a droit, Bagnolet les touche très bien, rien que de plus normal. Ensuite, il y a effectivement quelques subventions, et ça, on ne peut que s'en féliciter, parce qu'effectivement, ça fait assez longtemps qu'on considère que Bagnolet ne va pas assez chercher de subventions. Bon, elles sont sur des montants qui ne sont pas astronomiques, hein, puisqu'en fait, elles correspondent à, pour deux d'entre elles, le DSIL, la dotation de soutien à l'investissement de l'État et le fonds vert, au réaménagement de la rue Berton. Il y en a aussi quelques-unes, effectivement, modestes, plan vélo et végétalisation. Bon, ben, ça montre tout simplement que quand, malheureusement, il y en a trop peu, que quand il y a quelques actions qui correspondent à ce qui est éligible, et notamment l'État, il faut le reconnaître, parce qu'on peut tous être d'accord de manière récurrente pour se plaindre de baisse de dotation, mais il y a un certain nombre de fonds, comme le fonds vert, qui ont été récemment mis en place par l'État. Et donc, quand il y a des choses qui correspondent à ces critères d'éligibilité, Bagnolet, comme tout le monde, peut toucher des subventions. Et je pense que s'il y avait des pistes cyclables en quantité, des jardins publics nouveaux, des débitumisations de cours d'école plus abondantes, ces subventions seraient bien évidemment supérieures. Sur la question du prêt, donc vous nous dites triomphalement que vous passez de 10 à 5,5, on ne va pas refaire le débat du budget, mais qu'une ville aussi endettée que la nôtre, et sans qu'il y ait dans l'exercice 2023 des dépenses d'investissement très substantielles pour des écoles, des gymnases, que sais-je encore, que la ville doive encore s'endetter pose sérieusement question. Et effectivement, comme on avait pu le dire au moment du budget, un endettement supplémentaire de 10 millions d'euros nous apparaissait quand même comme une folie. On peut dire que 5,5, c'est un peu moins fou, mais ça demeure énorme. Et surtout, moi, la question que je me pose, c'est la correspondance avec les investissements quand on voit la relative modestie des investissements lourds. Donc voilà les quelques remarques que je pouvais faire sur cette décision modificative. Je note aussi que la ville va en dépense faire un chèque de 100 000 euros, si j'ai bien lu, à l'architecte de ce bâtiment. Je pense qu'il aurait été mieux de s'opposer à l'époque au projet plutôt que des batailles d'arrière-garde où finalement la ville est déboutée en justice et doit encore payer à l'architecte de ce bâtiment. D'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette décision modificative ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, extinction de créances. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération habituelle ? Pas d'observation ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération, encore une fois, classique ? Monsieur Vionnet. Non, pas de remarques. Je viens de l'évoquer sur la question de la décision modificative. Donc, nous voterons pour, bien évidemment. Je n'entends pas. On ne m'entendait pas ? J'ai pas entendu, non. Ah, je disais, pas de remarque particulière, outre ce que je viens de dire sur la décision modificative, et nous voterons pour, bien évidemment. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Protocole d'accord pour le paiement échelonné de l'avance consentie au Centre intercommunal d'action sociale pour les travaux de la MAPAD. Donc, il s'agit d'un sujet ancien, puisque les villes de Bagnolet et de Romainville ont consenti à des avances direction des structures qui portent la MAPAD, que la ville de Romainville a été remboursée en 2019, si ma mémoire est bonne, et qu'il s'agit de signer un protocole avec la structure présidée par Vassindou pour étaler dans le temps la somme que la MAPAD nous doit, en l'occurrence 392 000 euros. Est-ce que tu veux dire un mot, Vassindou ? Juste rajouter que c'est l'héritage du passé, hein. En prenant mes fonctions en juin 2022, donc j'ai découvert qu'effectivement, l'établissement devait 392 000 euros à la ville de Bagnolet. J'ai été informé par M. Pitois, qui était en ce moment le responsable du trésor public, et que Romainville avait été remboursé en 2019. Donc, il suffit juste qu'on puisse mettre en place ce protocole-là pour que Bagnolet soit remboursé. Donc, l'idée, c'est de faire un premier versement de 50 000 euros et que le reste soit échelonné jusqu'à sur un an. Laurent Jamais. Oui. Alors, héritage du passé, il y a quand même quelque chose que nous devons à la ville de Bagnolet, à Josiane Bernard également. C'est quand même la construction d'une MAPAD. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Moi, j'ai cherché effectivement savoir si Romainville avait remboursé. Il semblerait qu'elle n'ait pas remboursé intégralement et qu'elle aurait par ailleurs renoncé à une partie du remboursement au regard de la situation financière de la MAPAD. La chose qu'on voulait dire concernant ce sujet, c'est que cette MAPAD, et je viens de dire un mot en introduction, c'est que elle a souvent été citée en exemple comme à la fois dans sa construction, dans sa gestion, dans la qualité qu'elle apportait aux soins, aux personnes résidentes, comme étant évidemment une référence. Moi, je voudrais évidemment apporter notre soutien au personnel, aussi aux familles. Je pense qu'on est tous autour de cette table attachés à la question de vieillir dans la dignité, aussi dans la fin de vie, dans la dignité. On est quand même interpellé régulièrement. On est intervenu à ce conseil à plusieurs reprises sur des dysfonctionnements importants. Des dysfonctionnements importants dans cet établissement durant ces dernières années. Donc ça, ça nous interpelle. Et puis, on n'a pas d'éléments, puisqu'on est, on n'a pas d'élu, je crois, au conseil d'administration. On n'a pas d'éléments sur la situation financière, mais ce qui nous transparaît, c'est qu'on est en, quand même avec un établissement qui risque de connaître des difficultés financières. Et je crois que cette décision que nous prenons ce soir va accentuer ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre. Massindou. Merci, monsieur le maire. Juste pour répondre à monsieur Jamais. Effectivement, on dit ça et là que l'établissement a des difficultés financières. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'héritage du passé. C'est vraiment l'héritage du passé que moi j'ai découvert en arrivant. On essaie de faire au mieux. D'ailleurs, Madame Dauvergne, qui est élue de Romainville, est vice-présidente de l'établissement. Donc on porte collectivement la responsabilité de la gouvernance. On essaie au mieux d'accompagner les salariés dans les difficultés du quotidien. C'est lié aussi au fait que nos créanciers, qui sont les départements, rencontrent aussi des difficultés. Et ils sont pas, ils ne payent pas les factures à temps. C'est aussi pour ça qu'on est confronté à ces difficultés-là. Donc ce n'est pas du fait de la présidence ou des membres du conseil d'administration. C'est vraiment l'héritage du passé, quoi. C'est la mauvaise gestion des années antérieures qui fait qu'aujourd'hui, on subit ces difficultés-là. Ça commence à quelle époque, la gestion du passé? Moi, je suis président seulement depuis juin 2022. Donc, quand je parle du passé, c'est bien avant. Voilà. Si on a pu accumuler ce niveau de dette-là, c'est parce que les gens qui étaient là avant n'ont pas fait ce qu'il fallait pour recouvrir les créances dues par le département. Ok, donc prenons acte de ce que vous venez de dire, c'est quand même avant votre arrivée. Alors justement, je me pose une question, c'est au vu de cette difficulté, et si je comprends bien, vous êtes en situation aujourd'hui de remonter la pente, mais en quelle mesure, et est-ce que la décision que nous prenons ce soir n'est pas en situation d'handicaper durablement l'établissement? Il s'agit simplement de délibérer et voir en fonction de la situation financière de l'établissement, effectivement, de rembourser la ville de Bagnolet. On n'est pas en train de dire qu'on délibère pour rembourser Bagnolet demain. Mais à un moment donné, il faut délibérer pour qu'à un moment donné, la ville de Bagnolet puisse être remboursée. Ouais, je repose ma question. Est-ce vrai que la mairie de Romainville a renoncé à une partie des créances? Et est-ce que malgré tout, la décision que nous prenons ce soir n'est pas en situation de mettre les finances de l'établissement en péril? Mais je pense qu'on ne se comprend pas. Je vous dis qu'on délibère pour qu'à un moment donné, quand les situations seront plus saines, Bagnolet puisse être remboursé. Romainville a été remboursé. En 2019, la situation était déjà difficile financièrement. Mais Romainville a été remboursé. Certes, voilà. Sous une précédente équipe, mais Romainville a été remboursé. Intégralement? Intégralement. Et de surcroît, moi, la question que je voulais poser en complément, c'est que si je vous entends bien, Monsieur Cissé, vous êtes en train de dire que nous serions en situation de voter une sorte de principe de remboursement. Or, si j'ai bien lu la délibération, c'est pas ce qu'il y a écrit dedans. Il y a un échéancier très précis. Mais bien sûr, de remboursement, c'est pas juste. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il y a un travail qui est en train d'être fait avec l'équipe de direction pour que les créances dues par les départements puissent être récupérées. C'est les créances à hauteur d'1 500 000 euros, afin que Bagnolet puisse être remboursé. C'est le travail en train d'être fait. Pardon. Article 1 de ce que nous sommes amenés à voter, d'approuver le principe du remboursement échelonné de l'avance de trésorerie d'un montant de 392 403,77 euros consenti au Centre communal d'action sociale. C'est là-dessus que nous votons. Bien sûr. C'est pas sur le principe qu'on va essayer de récupérer l'argent du conseil départemental. Ce que veut dire Vincent Doux, c'est la structure. faire en sorte de récupérer ses créances auprès du conseil départemental, auprès du CD 92, auprès du CD 78, qui sont ses débiteurs. Et il y a déjà environ 600 000 euros qui sont rentrés dans les caisses de l'établissement cet été, de créances départementales. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, rapport d'activité 2022 du délégataire en matière de chauffage urbain, Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. Pour rappel, la ville de Bagnolet a attribué une DSP à la SDCB concernant l'exploitation d'un chauffage urbain. Cela remonte à 2012. Ce délégataire transmet à l'autorité délégante tous les ans un rapport relatif à l'exécution de cette DSP. Ce rapport a été examiné mardi dernier par la CCSPL en présence de la majorité et de la minorité. Que retenir de ce rapport ? 5 points, je pense. Le premier, une réduction significative des fuites d'eau sur le circuit primaire suite aux travaux initiés en 2018 avec la signature de l'avenant numéro 4. Deuxième point, une mixité de production de chaleur entre le gaz et la biomasse qui s'est inversée entre 2021 et 2022, en l'occurrence en faveur de la biomasse, et c'est une bonne nouvelle, car cela a une vertu écologique avec la réduction nette du rejet de CO2. Et cela a permis aussi un rôle d'amortisseur tarifaire sur le prix de l'énergie pour les abonnés de notre ville, car nous étions tout simplement moins tributaires du gaz. Cela aussi, c'est grâce à l'avenant numéro 4 qui a été signé en 2018. Troisième point, les abonnés ont perçu une aide de 2 900 000 euros au titre du bouclier tarifaire et notamment grâce aux données fournies par la SDCB qui a bien joué son rôle avec les bailleurs. Un bon point pour les bailleurs sociaux qui ont été très professionnels et qui ont su apporter un maximum de boucliers tarifaires. Par contre, il y a eu des dysfonctionnements avec les syndics privés. Quatrième point, les travaux ont pu avancer sur la rénovation du circuit primaire. Sur les un peu plus de 4 km de rénovation de tuyaux, il reste aujourd'hui un peu moins de 1 km qui seront effectués l'année prochaine. Enfin, et ça c'est aussi dans le rapport, nous avons ajouté un dernier slide lors de la réunion de mardi dernier. Nous avons demandé d'avoir les chiffres en fait, des capteurs des deux cheminées qui rejettent donc des gaz et des particules. Et nous avons appris à ce moment-là qu'un contrôle inopiné avait été réalisé en 2021, ou en 2022, si moi je suis un peu moins précis, et la conformité des rejets de gaz, enfin les gaz et les particules, sont conformes au vu de la réglementation sur ces rejets. Donc plutôt des bonnes nouvelles, et je suis à votre disposition. Laurent Jamais. Oui, je vais lire l'intervention de notre amie Angéline Desbordsilly, élue de l'opposition qui siège à la commission, aurait dû prononcer, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, et nous la saluons. Écoutez, on voulait d'abord commencer par des points positifs, c'est que la part du renouvelable augmente dans le mix énergétique, plus 50% de mixte, même si la part du fuel reste encore trop importante. Et il n'y a pas eu d'avarie majeure. Excusez-moi, la part du fuel, elle est extrêmement minoritaire. Je me permets juste de couper ça, mais ça doit être une erreur. Ah ouais, on a participé à la même commission, je crois que le fuel est en dessous de 1%. Ouais, bah écoutez. Et ça, c'est dans le rapport. D'accord, bah écoutez, on regardera, mais en tout cas, c'était ce qu'elle souhaitait évoquer, même si il reste 1%, c'est sans doute encore un peu trop. Et puis, je disais, pas d'avarie majeure sur le réseau en 2022. Il reste néanmoins des inquiétudes, des alertes, des questions importantes. Nous, évidemment, on est intervenu à plusieurs reprises au sein de ce conseil municipal pour redire l'importance d'un réseau de chaleur performant, compte tenu des enjeux de santé publique. C'est aujourd'hui 15 000 logements qui sont raccordés. C'est un service public délégué à un opérateur privé, bon, la SDCB, filiale d'Engie. Rappelez quand même aussi les nombreux problèmes que nous avons rencontrés tout au long de ces années, notamment en 2020-2021, qui a privé les usagers de chauffage en plein hiver, et dire que certains problèmes sont liés à des défauts de maintenance et d'installation, par exemple, panne du système d'alimentation en bois des chaudières et la vétusté du réseau. On va rappeler que l'avenant numéro 4, signé en 2018, prolonge le contrat jusqu'en 2039, avec comme objet la réalisation de travaux d'entretien sur le réseau. Alors, à ce jour, les travaux n'ont pas été totalement réalisés. Les arguments avancés, pandémie, Covid, recours déposé devant le TA de Montreuil. On va aussi évoquer la faible performance du réseau, le rendement global du réseau de chaleur est de 78%. La performance du réseau de distribution est elle-même légèrement dégradée par rapport à 2020. En 2020, le rendement du réseau était de 85,5%, il n'est plus que de 84%. On voit dans les différents éléments. Enfin, il y a des choses qui nous interpellent particulièrement, c'est sur la flambée des prix. 156,79 hors taxe le mégawattheure facturé en 2022 contre 90,41 en 2020. Il faut s'interroger parce que la situation ne va pas tendre à s'améliorer. Quel est le bouclier tarifaire que l'on va pouvoir mettre en place pour s'opposer aux augmentations de tarifs? Et on demande la mise en place d'un schéma directeur du réseau de chaleur avec le souhait d'avoir de nouveaux raccordements. Juste revenir un petit peu sur les évolutions de prix, puisque en 2017, on avait 89,49, en 2018, 90,43, en 2019, 93,27, en 2020, 90,41, en 2021, 100,12, et en 2022, 156,79. Donc on voit bien, on mesure ces augmentations au fil des années. On sait aussi pourquoi, mais il faut s'interroger sur comment on résiste dans les années à ça. Il y a une des questions que je rajoute par rapport à l'intervention d'Angeline, c'est que le maire, lors de la visioconférence préparant la commission, nous a annoncé qu'on était en recherche d'un AMO. Fort bien, félicitations. C'est une question que nous avons mise à l'ordre du jour de plein de réunions sur le sujet. Il y a eu, y compris, un éphémère et fantomatique AMO pendant quelques années, et puis tout ça a disparu. On sait bien que le bras de fer avec des entreprises comme Engie est difficile, et que si on ne se dote pas de compétences externes en capacité de pouvoir peser dans le débat avec Engie, ils en profitent pour prendre la largeur de la route et nous mettre un certain nombre de frais dans nos poches à nous et dans ceux des bagnoletais. Enfin, une question sur laquelle on n'a pas très bien compris que posait Angeline, sur la question des chapitres politique environnementale. Qu'est-ce qu'entend la SDCB par engager une dynamique de conformité aux exigences légales et autres? Alors, je ne suis pas capable de vous dire la page, mais en tout cas, c'était une des questions que Angeline souhaiterait une réponse. En tout cas, je vous remercie. Nous, sur un certain nombre de questions, et notamment sur la question tarifaire, on pensait voter contre. On pense. On votera contre. Cédric, on prend acte seulement. Mais Cédric, pour la réponse. Oui, alors, deux choses à la volée. Donc, sur les fuites, enfin, sur les problèmes, enfin, la rupture de service, de continuité de service, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, sur les ruptures de continuité de service, le rapport que nous a présenté en fait la SDCB, ils arrivent à un chiffre de 100% qui nous a forcément interpellé l'ensemble des élus de la commission, donc Angeline et moi, et je crois qu'il y avait aussi Grégoire de la Gannerie. Mais en fait, c'est 100% sur le réseau primaire, donc celui qui appartient véritablement à la SDCB. Les incidents qui ont pu avoir lieu en fait chez les locataires ou chez les bailleurs sociaux ou chez les propriétaires privés, en fait, c'est le réseau secondaire. C'est à bien comprendre, parce qu'évidemment, ça explique pourquoi, par moment, des gens se plaignent à juste titre, mais que la SDCB ne se défausse pas, en réalité. C'est simplement qu'eux ne sont pas propriétaires du réseau secondaire et ils ne sont pas responsables de l'entretien et de la maintenance des échanges de chaleur entre le réseau primaire et le réseau secondaire. Voilà la réponse qui a été apportée lors de la commission avec Angeline présente, donc vous pourrez vérifier mes propos. Sur la partie tarifaire, on peut toujours évidemment se plaindre que c'est trop cher, et on est les premiers à le dire, parce qu'aujourd'hui, la hausse de l'énergie fait que beaucoup de ménages sont en difficulté. Encore une fois, par rapport à mon intervention de tout à l'heure, cette hausse tarifaire aurait pu être pire. Et il y a malheureusement des chauffages urbains dans le 93, en région parisienne et en France, qui ont des tarifs qui se sont beaucoup plus envolés parce que nous avons eu cet amortisseur lié à la biomasse. Donc il faut se féliciter d'avoir pris les bonnes décisions en 2018. Je ne sais pas si vous avez été pour à l'époque. Moi, je n'ai pas ce souvenir-là. J'étais... attendez, vous n'étiez pas attentif au débat du conseil municipal à l'époque. Je vois que le maire sourit et il sait fort bien. D'ailleurs, je ne sais plus son vote à l'époque sur le sujet. Je crois que c'était contre que nous avons porté ce dossier et que effectivement, vous pouvez nous dire, vous pouvez me dire merci quand même. Eh ben, mais moi, j'ai pas. Vous savez, quand c'est pour les bagnoletaises et les bagnoletais, et comme ils nous écoutent en ce moment même à travers la vidéo, quand les décisions sont bonnes, il faut les saluer. Et aujourd'hui, la biomasse a une valeur écologique et un amortisseur tarifaire qu'on peut saluer. Et notamment, dans les perspectives d'un avenant peut-être numéro 5, il y a des discussions qui sont engagées aujourd'hui d'un point de vue technique pour continuer à se décorréler du gaz pour aller davantage vers la biomasse. Je propose d'autres interventions. Je propose Monsieur Oliva. Oui, merci. Bonsoir. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu assister à la CCSPL. Ma réunion précédente s'est prolongée. J'ai juste deux questions, mais en fait, qui sont des questions plutôt pour l'exploitant. Donc, on pourrait éventuellement le retransmettre ultérieurement. J'aimerais qu'on leur demande le détail, de nous fournir le détail du coût d'exploitation qu'il supporte, c'est-à-dire pas seulement un chiffre global, mais un chiffre plus détaillé. Et la seconde question, vu le caractère exceptionnel, justement, de la mise en place par l'État du dispositif de bouclier tarifaire, ce serait bien qu'on ait une indication pour un ménage, pour un appartement moyen du réseau, des coûts réels pour l'usager final, à la fois avec le bouclier, sans le bouclier, pour la consommation du chauffage, pour l'eau chaude, voilà, en part fixe, et en hors-taxe et en TTC. Enfin, voilà, avoir une vision sur un ménage moyen et un peu plus concrète. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être demandé. Merci. Bah, je propose que, dans le cadre de la commission, mais même si c'est après la commission, que tu nous transmettes un écrit avec ces questions-là, qu'on transmettra à l'exploitant et on transmettra la réponse. D'autres remarques ? Je propose de prendre acte, alors, de la présentation de ce rapport. Il faut lever la main, on prend acte. Délibération suivante, avenant numéro 3, marché global de performance sur la conception, réalisation, maintenance d'une école maternelle, d'un centre de loisirs et d'une crèche. Pêche d'or, c'est Eric Pape. Alors, on est toujours dans la thématique de la commande publique. Donc, effectivement, dans le cadre de la reconstruction de l'école maternelle Pêche d'or, la ville de Bagnolet a signé un marché global de performance sur la conception, la réalisation et la maintenance d'une école maternelle, d'un centre de loisirs et d'une crèche pour un montant de 10 612 045 euros hors taxe. À l'époque, avec le groupement Hervé, cela faisait suite à la commission d'appel d'offres de novembre 2018, où les élus avaient tous voté, enfin avaient voté à l'unanimité pour le groupement Hervé à l'époque. Malheureusement, comme l'évoquait M. Vionnet tout à l'heure, vous doutez bien qu'on n'y est pour rien, mais le groupement Hervé a été placé en redressement judiciaire le 25 mars 2020. Le 6 août 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a accepté la reprise par le groupe Fiducim. Le groupe Fiducim lui-même a été placé en liquidation judiciaire. Et actuellement, et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour éviter de prendre trop de retard, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a du retard. Par jugement prononcé le 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la cession de ce marché de travaux à Spi Batignolles. Et donc, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de transfert correspondant afin que les travaux reprennent, notamment le mois prochain, et que nous puissions commencer la construction de ce groupement. Monsieur Vionnet, je vous sens impatient. Je n'ai même pas eu à lever. Bon, je pense qu'ici, tout le monde connaît la citation latine Errare humanum est, perseverare diabolicum. Et là, c'est bien de ça dont il s'agit, parce que sans revenir sur le fond du dossier dont nous avons déjà plusieurs fois débattu, sur l'écocide que vous avez infligé à 5 heures du matin au site de Pêche d'Or, à ce projet qui est un projet quand même très largement daté hein, et qui supprime des espaces de pleine terre pour mettre un pseudo-jardin sur le toit, sans parler de la conception générale du bâtiment, mais on a déjà eu l'occasion de parler de tous ces sujets de fond. Mais alors, effectivement, en plus, comme vous venez de le rappeler, vous aviez choisi à la base une procédure, disons, de conception-réalisation dont je n'ai à cette date toujours pas compris l'adaptation au sujet, parce que c'est plutôt une procédure qu'on emploie pour des marchés complexes ou des imbrications de fonctions. Là, à la base, c'est un groupe scolaire avec des fonctions liées classiquement de centre de loisirs, etc. Il n'y a pas, c'est pas ni un ouvrage complexe, ni un briquet avec un programme de nature très différente. Et on sait que cette procédure, qui est pas mal en soi, elle a par contre un gros défaut, c'est qu'une fois qu'on l'a signée, elle est très enfermante. Et la collectivité a du mal à en sortir. Donc déjà, vous aviez choisi cette procédure. Vous avez ensuite choisi le groupement Hervé qui a fait faillite, qui a été repris... L'ensemble des élus de la commission. Qui a été repris... Je préfère modifier le mot, vous en conviendrez, Monsieur Vionnet. Pour rappel, ce n'est pas nous, vous, c'est l'ensemble, à l'unanimité, des élus qui composaient cette commission à l'époque. Mais c'est un jury de concours. Alors certes, mais... Non, mais en fait, on n'a pas choisi l'entreprise, on n'a pas sorti de notre poche, c'est voilà. Ça que ça veut dire. Ce que je n'ai jamais dit. Je préfère le dire. Et si, si mes souvenirs de composition des commissions d'appel d'offres sont bons, les 5 sixièmes des membres appartiennent à la majorité. Donc la responsabilité est bien prise comme, par la majorité. Comme à l'époque, lorsque l'architecte a été choisi pour dessiner cet hôtel de ville. Tout à fait. Mais on peut aussi rappeler... le vote de votre représentant. Si vous croisez M. Idjadi, vous lui demanderez. Ouais. Mais je m'en souviens bien. Donc, effectivement, vous avez ensuite choisi une entreprise qui a fait faillite. Le repreneur fait faillite. D'ailleurs, j'espère que vous ne porterez pas malheur à Spibatignol, qui est plutôt une belle entreprise du secteur du BTP. Donc voilà, mais au-delà de ça, je reviens à la citation latine. Je pense qu'à un moment donné, on voit que cette affaire, qui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la première construction d'école depuis des années dans cette ville, depuis Joliot-Curie, devrait être un sujet de consensus au sein des forces politiques et un sujet de consensus au sein du quartier, c'est un sujet d'affrontement récurrent. Les années passent, puisque vous rappeliez que le lancement de la mécanique de concours date de 2018 et il y a eu des études antérieures bien encore avant. Donc les années passent et il n'y a toujours rien à part la destruction du site, l'arrachage des arbres, etc. Et de surcroît, un ouvrage qui était déjà cher, on ne nous a pas dit combien, mais on nous a dit en commission que l'entreprise repreneuse demanderait une actualisation des coûts. Donc on voit bien qu'on est dans une bien triste affaire et que la solution la plus raisonnable serait à un moment d'arrêter les dégâts et de relancer un projet, cette fois-ci, consensuel. Cédric. On va continuer le process parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les travaux débutent le plus rapidement possible, donc le mois prochain, et que cette école sorte, alors j'imagine pas à la rentrée prochaine, mais à la deuxième rentrée, parce que si nous relançons tout comme vous le souhaiteriez, j'imagine bien dans votre posture d'opposition, ça engendrera un retard pour avoir une nouvelle structure pour surtout les enfants et les élèves, et ça, il en est hors de question. La priorité de cette ville est bien de créer de nouvelles infrastructures pour la jeunesse et de rénover pour la jeunesse, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous nous accusez de ne pas avoir agi auparavant. Ben, nous agissons maintenant et nous n'allons certainement pas tomber dans l'erreur politique, mais qu'il y a à votre poste d'opposition, de retarder des travaux pour que vous nous disiez dans 3 ans, vous n'avez rien fait. Vous pourrez dire dans 3 ans, vous avez agi. D'autres interventions ? Monsieur Stanislas. Oui, non, très rapidement. Vous êtes en train, comme à votre habitude, de régler un problème que vous avez une fois de plus créé, puisqu'aujourd'hui, si les enfants sont dans des structures provisoires, pas très confortables et pas très appropriées à une scolarité classique et normale pour plusieurs années, c'est de votre responsabilité politique. C'est vous qui avez fait démolir la structure existante qui était de très mauvaise qualité, mais qui était de bien meilleure qualité que la structure provisoire dans laquelle les enfants sont installés aujourd'hui. Et juste, je crois que le montant de l'avenant qu'on nous propose de signer ce soir est de 200 000 euros. Je crois que c'est ça. Ce qui représente 2% du montant initial devisé il y a maintenant plusieurs années, en sachant que les tarifs ont augmenté depuis 12 mois énormément. Donc je me demande si c'est le seul avenant que vous serez amené à nous proposer. J'en doute énormément. Bah, écoutez, il n'y a pas de choses cachées, d'abord. Ça, je tiens à vous le dire droit dans les yeux. Et deuxièmement, je vais aller dans votre sens. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Stalins. Aujourd'hui, les élèves... Vous avez fait une erreur politique. Vous avez tout à fait raison sur le fait que les élèves sont dans des infrastructures précaires. Il est grand temps que les travaux commencent. Par votre faute. Par votre faute. Parce que vous avez détruit l'école et que vous avez détruit les bâtiments dans lesquels les enfants étaient installés. Vous n'avez plus la parole, M. Stalins. Il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient. Elle est approuvée. Délibération suivante. Mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des observations ? Laurent Jamais. À mon tour de féliciter M. Bellil de sa... motion, puisque effectivement dans le tableau des effectifs, on a vu qu'il était effectivement qu'il est donc aujourd'hui que nous avons donc un policier municipal. Non, je me rappelle un petit peu le débat qu'on a eu, c'est-à-dire que on nous a demandé de renoncer à nos principes. Madame Trigo est venue nous voir, et c'est vrai que voilà, nous notre attache. Moi, je l'ai dit à ce moment-là que j'ai pas de problème d'avoir un policier municipal dans les effectifs. Question, une interrogation sur la création d'une police municipale. On nous a dit que c'était impossible, que le préfet, etc. Bon, on se rend compte à ce conseil municipal que nous avions raison de dire que c'était possible. Et donc, encore une fois, notre groupe, comme il l'a fait dans la dernière séance, on a été attaché à ce que ce monsieur puisse être promu. Il l'est, et c'est très bien comme ça. Non, on a eu raison surtout d'insister. J'ai eu raison d'insister. Émilie Trigo a eu raison d'insister. Et je vous passerai les commentaires du préfet sur le vote du conseil municipal. Donc je vous propose de passer aux voix sur ce tableau des effectifs. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, autorisation de recrutement d'agents contractuels. Il s'agit du chargé de mission mobilité durable. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Pas de remarques, Monsieur Lionel. Oui, peut-être une intervention un peu globale qui est pas, puisqu'il y a une série de délibérations, donc je vais faire une seule brève intervention. Nous, comme on a déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il n'y a pas de souci à ce que sur des postes spécifiques, ce qui est peut-être vrai du poste mobilité qui fait l'objet de la première délibération, il n'y a pas d'opposition de principe du tout de notre part à ce qu'il puisse y avoir recours à des contractuels. Par contre, ce qu'on a constaté dans la liste des différents postes, c'est qu'il y a des postes qui, usuellement, sont pourvus dans la fonction publique territoriale, je pense à assistantes de direction ou des questions comme ça, qui sont normalement qui trouvent des salariés dans la fonction publique territoriale. Et de surcroît, on a un peu l'impression dans cette suite de délibérations qu'on fait jouer au conseil municipal un rôle étrange, puisque d'après ce que vous nous avez dit en commission, une bonne part sont des régularisations. Il y a des régularisations. Et donc, en fait, on nous demande de voter a posteriori. Donc, du coup, comme on le fait usuellement sur le tableau des effectifs où on n'a pas de vraie visibilité d'ensemble, de la même façon, sur ces délibérations, nous nous abstiendrons. Très bien. S'il y a d'autres remarques ? Donc, chargé de mission mobilité, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération suivante, auxiliaire de puériculture. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Inspectrice, inspecteur de salubrité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Assistant de direction. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Chargé de communication. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et conseiller, conseillère conjugale et familiale. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération suivante. Garantie des emprunts contractés par Immobilière 3F auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 17 logements sociaux, rue Jules Ferry, rue Étienne Marcel. Édouard de Noël. Oui, bonsoir. C'est une délibération donc classique sur un programme qui s'inscrit dans le cadre du PNR CAD. 29 logements en accession sociale à la propriété, 17 logements locatifs sociaux. Donc Immobilière 3F, ça a été dit, le but c'est de garantir les 2,7 millions d'euros qui sont consentis en prêt par la Caisse des dépôts. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Lyonnais? Oui, donc d'une part, nous voterons pour cette délibération comme nous le faisons de manière systématique pour les garanties d'emprunt d'opérations de logement social. De surcroît, une fois n'est pas coutume, je peux le dire, je trouve que c'est une opération intéressante. D'une part, parce qu'elle s'inscrit effectivement dans le PNR CAD, et d'autre part, parce que le projet architectural qui vient réutiliser en partie un bâtiment existant, l'enserrer de construction neuve, retravailler l'angle, me paraît de très bonne qualité. D'ailleurs, je ne connais pas personnellement l'architecte, mais je sais que c'est une agence de bon niveau et ça ne me surprend pas d'Immobilière 3F, dont la direction de l'architecture est toujours attentive à la qualité architecturale. Bah, écoutez, merci, une fois n'est pas coutume. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, avenant numéro 1, la convention d'OPA, renouvellement urbain, centre-ville, couture. Édouard de Noël. Oui, alors là, il s'agit d'une délibération qui permet d'intégrer un certain nombre d'adresses dans l'OPA qui a déjà été adoptée dans ce conseil municipal. À peu près 300 logements qui sont concernés par ce deuxième volet de l'OPA qui se concentre donc sur le centre-ville et les coutures, enfin qui l'étend des coutures au centre-ville. Là, il y a 3 immeubles qui sont intégrés et puisque ça avait été demandé par M. Vionnet en commission, quelques éléments chiffrés. Donc pour rappel, la première opération programmée, 2015-2021 sur le secteur des coutures, ce sont 3,6 millions d'euros qui ont été engagés, 3,5 millions pour les travaux et 100 000 euros pour les études. Si on se penche maintenant sur la deuxième phase, 2022-2027, donc extension au centre-ville, il y a 7,9 millions d'euros qui sont prévus pour les travaux. Comme vous le savez, on commence par des phases d'enquête, d'identification. L'avenant donc là intègre 3 adresses et il permet d'augmenter l'objectif à 8,8 millions d'euros. En 2022, donc bilan de la première année de cette OPA, il y a à peu près 800 000 euros qui ont été dépensés. C'est à la fois des études et les premiers travaux votés. Et comme vous le savez, on l'a déjà dit, hein, les financements proviennent de l'ANA, d'Est Ensemble et de la Caisse des dépôts. Des remarques, Monsieur Vionnet? Oui, là encore, nous voterons pour cette délibération, puisque effectivement, un mécanisme d'OPA, donc d'opération d'amélioration. Ah, on m'entend pas. Hop. Oui, je dis, nous voterons pour cette délibération, puisque une opération programmée d'amélioration de l'habitat est tout à fait souhaitable, à la fois aux coutures et au centre-ville, et de surcroît, et donc. Ces opérations programmées existent depuis un certain nombre d'années, donc leur utilité est démontrée en bien d'autres territoires. Mais j'ajouterais que dans le contexte d'urgence écologique absolue dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on sait très bien que le bilan carbone de recyclage de bâtiments existants est sans commune mesure avec le bilan carbone des démolitions, reconstructions. Et donc, il est encore plus nécessaire aujourd'hui de favoriser la réhabilitation du parc existant, à la fois pour des questions sociales et de confort de l'habitat, puisqu'on a, on a beaucoup de bâtiments anciens qui se sont dégradés avec le temps, mais aussi pour des raisons écologiques de recyclage des bâtiments. Merci. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Cédric Pape, NPNRU. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, je change de thématique, je vais sur l'aménagement du territoire. Cette délibération, malgré sa longueur, est essentiellement technique. Il s'agit d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage auprès d'Est Ensemble relative à la réalisation des opérations d'aménagement Lannou-Bagnolet et Malassis-Torres dans le cadre du NPNRU. Pour rappel, cette convention tripartite entre la direction générale de l'ANRU, Monsieur le maire et le président d'Est Ensemble a été signé le 17 février 2023. Pour rappel aussi, puisque ce sont de très bonnes nouvelles, il s'agit de la rénovation, la réhabilitation de la dalle de Lannou, et donc vous avez tout le détail dans la note, dans la délibération, et de la démolition tant attendue par les habitants de la dalle Torres au Malassis, la reconstruction des infrastructures afférentes. Là aussi, vous avez tout le détail dans la délibération. L'aménageur désigné est la SPL Sequano Grand Paris, le comité d'engagement et le conseil d'administration de Sequano, qui s'est tenu aujourd'hui même d'ailleurs, a approuvé ce jour ce projet. Et là aussi, je tiens à le préciser parce que c'est important, à l'unanimité des élus qui composent le conseil d'administration de la Sequano. Et vous imaginez qu'il y a différents élus du département et de villes voisines, j'imagine que vous le savez bien. Donc il s'agit tout simplement de donner la possibilité à M. le maire d'approuver et de signer cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il y a des remarques, M. Lyonnais ? Oui, on ne va pas réévoquer de manière globale le NPNRU sur lequel on a déjà eu l'occasion de débattre et où on peut avoir un certain nombre de questions. Par contre, sur l'objet stricto sensu de cette délibération, qui a un transfert de maîtrise d'ouvrage, effectivement, puisque doivent notamment être aménagées des voiries et que la voirie est demeurée une compétence communale. Et donc, sur ce strict mécanisme de transfert de maîtrise d'ouvrage à Est Ensemble, qui est quelque chose, je dirais, de naturel et de logique, on votera effectivement sans difficulté. Et ce sont nos amis de Sequano, comme vous pouvez le dire, qui vont nous accompagner dans ce projet et qui visiblement sont les amis de plein de gens en Seine-Saint-Denis. Notamment de sa vice-présidente. Et si vous voulez aller sur ce sujet-là, pour moi, il y a quand même une différence assez fondamentale dans une SEM quand elle intervient dans le cadre d'une concession d'aménagement public, ce qui est le cas ici, ou quand elle fait le promoteur, a fortiori en binôme, avec une société qui a pas mal sévi à Romainville. Vous y connaissez en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante, mutation du terrain communal Jean Lolive au profit de la SSCV Village Business Bagnolet. Cédric Pape. Alors, toujours dans le cadre de l'aménagement du territoire, donc, nous allons parler donc, de la mutation du terrain communal Jean Lolive au profit de la SSCV Village Business Bagnolet, notamment pour la modification du prix de cession au regard des coûts de dépollution du terrain. Alors, je parle là du lot A, puisque le lot B était attribué à Séquence et que les travaux ont débuté. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, puisque la ville bouge. Et dans ce lot A va évoluer dans sa programmation, donc ça c'est la première nouvelle, puisque sa programmation va augmenter dans son nombre de maisons d'artisanat, et donc du coup cela va provoquer une hausse de cession de 1,5 million d'euros à 1 629 820 euros. Je reprendrai les propos de M. Vionnet tout à l'heure, il ne s'agit pas là d'un cadeau, comme vous avez cité tout à l'heure, je reprends vos propos. Vous imaginez bien que nous ne faisons pas de propos, mais c'est encore une fois une posture d'opposition. Mais un véritable acte de la majorité municipale de dédensification puisqu'effectivement, vous l'aviez évoqué à d'autres conseils municipaux, M. Stalins ou M. Vionnet, nous aurions pu, effectivement, la majorité municipale, construire de nombreux logements à cet endroit-là, des bars, de nouvelles bars, et nous ne le souhaitions pas, nous ne le voulons pas, et la majorité municipale a été dans cette voie-là, de dédensifier ce quartier et de proposer effectivement une programmation liée à l'artisanat. Forcément, le prix des domaines diminue. Forcément, il y a moins de recettes. Pour notamment venir compenser la pollution qui a été plus forte que prévue suite à des analyses. Mais nous l'assumons, notamment vis-à-vis de la population du quartier, que j'invite à venir rencontrer lors des conseils de quartier, puisque nous n'avons pas l'occasion de vous y voir. Mais très clairement, comme c'est indiqué dans la délibération, la pollution, le coût de la pollution a augmenté et nous continuerons avec le village d'artisans. Et donc, moralité, puisqu'il y a un peu plus d'un million de dépollution de ce terrain, la cession totale du terrain s'élève à 533 222 euros et 45 centimes. Monsieur Vionnet. Non, vous battez pas. Monsieur Stalens. Non, très rapidement, je pense que Pierre complétera sur la partie petite technique et organisation de cette partie, de ce qui va se dérouler. Cette délibération, il faut que les bagnoletais et les bagnoletaises le comprennent. Ça signifie tout simplement que nous sommes en train de vendre 53 euros du mètre carré un terrain situé aux portes de Paris. J'ai été intervenu il y a quelques mois sur ce sujet, déjà en exprimant mon inquiétude, compte tenu du faible prix. Mais là, on est arrivé à un stade où c'est dément. 53 euros du mètre carré. C'est de la terre agricole en province. Et votre village d'artisans est devenu, si je sais lire, village business. La connotation est un petit peu différente. Et j'ai hâte de voir ce mignon petit village d'artisans s'installer à Bagnolet. Et j'aimerais voir peut-être les modificatifs de permis qui vont se dérouler sur cette parcelle. Maintenant, les Bagnoletais sont au courant aujourd'hui. Vous venez de céder une partie de leur capital. Ça leur appartient. Ce foncier leur appartient. Il nous appartient à tous pour 53 euros du mètre carré. Une parcelle décente pour construire sa maison. C'est 200 mètres carrés, ça fait un très joli jardin et une très jolie bâtisse. Coûterait 10 000 euros à un bagnoletais pour s'installer. Il y a peut-être, on aurait peut-être, à mon avis, dû procéder autrement sur cette parcelle qu'en faisant un cadeau. Je vous invite à éviter d'utiliser le terme cadeau. Excusez-moi. Oui. Effectivement, on fait de la division parcellaire. Vous y connaissez en matière de division parcellaire. Plus trop maintenant, et vous le savez. Vous le savez. Cédric Pape. Donc, ce n'est pas un cadeau. Et effectivement, faites attention aux propos que vous tenez. Du mètre carré. Mais je vais y répondre. Vous en faites pas. On va éviter les effets de manche. Et on va essayer d'être un peu plus sérieux. Donc, vous pouvez le répéter une quatrième fois si vous le voulez. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, effectivement, ce n'est pas un cadeau. Mais effectivement, nous assumons deux choses. C'est une mauvaise négociation, alors. Non, non plus. Si. Mais non. Si, mais bien sûr que non, parce que vous ne feriez pas mieux si vous étiez aux responsabilités, si la population bagnoletaise vous avait donné la majorité, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc, à ce jour, et je vais finir par répondre, il faut prendre en chose deux considérations. Il ne faut pas prendre les bagnoletais et les bagnoletaises pour des idiots. Ils vont très bien comprendre ce que je vais dire, et ils vont très bien comprendre que vous faites des effets de manche. Donc, ils vous applaudissent en ce moment d'ailleurs, derrière leurs écrans. Mais c'est très bien, il n'y a pas de souci, je suis heureux. Mais si vous voulez, quand je parle, je ne regarde pas mon téléphone. Donc je ne peux pas savoir. Donc je reprends. La première chose, c'est qu'il y a un coût de dépollution. Et si vous veniez à vendre un terrain qui soit privé ou public, vous seriez obligé de payer cette dépollution. Mais ça, c'est la discussion qu'on a eue lors de la première délibération. Mais monsieur, aujourd'hui, monsieur Stalins, je sais que ça vous fait mal, mais j'essaie de répondre et de vous démontrer que vous avez tort. Faits, parlez-nous des faits. Mais je vais y arriver, monsieur Stalins. Parlez-nous des faits, 53 euros du mètre. Monsieur Stalins, je vais y arriver. Et vraisemblablement, pour ceux qui nous écoutent, le débat sera d'autant plus clair si vous ne me coupez pas la parole. Donc, les gens sont intelligents. Ils peuvent très bien comprendre deux choses. La première, je le répète, je le martèle, puisque c'est une véritable volonté de la majorité municipale. Et je vous invite à venir dire l'inverse en conseil de quartier, monsieur Stalins. Prenez votre courage et venez en conseil de quartier. Venez leur dire, droit dans les yeux, aux habitants qui se déplacent en conseil de quartier, à nous, nous voulons densifier. Marquez-le dans votre programme électoral, il n'y a pas de souci, monsieur Stalins. Et vous allez de nouveau perdre. Parce que quand nous présentons une dédensification, je peux vous applaudir que là, nous sommes fait applaudir. C'est ça la différence. Donc oui, oui, nous ne voulons pas densifier davantage ce quartier qui est déjà assez dense. Oui, nous voulons le rénover avec le NPNRU. Donc tout cela, c'est à notre avantage. Ça vous désole peut-être que nous avancions dans le bon sens, mais nous allons arrêter de densifier et nous allons rénover l'ANOU. Ça, ce sont les deux premiers, le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une dépollution de 1 million d'euros que nous ne pouvons pas effacer. Cette dépollution est bien là, elle a un coût et nous l'assumerons, puisqu'effectivement, nous pourrions, à travers, encore une fois, un programme plus dense et avec plus de recettes, l'amortir davantage, parce que c'est ça la réalité, en fait. Je vois que M. Viona opine du chef, donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous donc, auriez pu juste faire imposer ce coût de dépollution au promoteur. Oui, d'accord. Je sais que ça vous dérange, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Je sais que c'est difficile à entendre tout cela, mais la seule solution à cela, c'est que la pollution est présente. La pollution coûte un million d'euros. La dépollution coûte un million d'euros. Donc, soit nous la mettons en face d'une densification à outrance dans un quartier qui est déjà extrêmement dense, où la population ne veut pas de densification supplémentaire. Et dans ce cas-là, la dépollution est amortie. Ou alors, on fait un peu de démocratie participative, on écoute les habitants du quartier, on ne densifie pas, on apporte de la mixité fonctionnelle dans un quartier qui en manque cruellement et nous construisons effectivement ce quartier d'artisans qui apporte moins de recettes à la ville et donc par conséquent de façon mécanique, il y a moins de recettes dans la commune pour venir amortir cette dépollution. Il est sûr que si vous présentez les choses de façon aussi simpliste, on densifie ou on ne densifie pas. Il est certain que le choix entre c'est entre. C'est pourtant la réalité, Monsieur Stalins. Non, c'est de la façon dont vous présentez cette réalité. Je pense que des projets étaient multiples. Il aurait pu évoluer de différentes façons, sans passer par les excès ou les extrêmes que vous décrivez. Vous avez mal géré, vous avez mal négocié. Ou alors, je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé. Un bel adjoint à l'urbanisme, Monsieur Stalins. Vous me reprochez de voilà. Laissez-moi juste finir. Je pense que, très sincèrement, puisque vous m'avez dit plusieurs fois dans ce conseil que j'étais professionnel de l'immobilier, non. J'ai été quelqu'un d'initié, d'informé. Il est vrai que je ne le suis vous plus êtes aujourd'hui. Présenté comme tel. Il est vrai que j'ai au moins je bénéficie d'une information qui est celle de en règle générale, la dépollution, nous l'imputons aux promoteurs. Ce sont les promoteurs qui s'en chargent. Là, nous avons eu ce geste gracieux, des Bagnoletais. C'est l'argent des Bagnoletais. C'est pas mon argent, c'est pas le vôtre, c'est celui des Bagnoletais. Aujourd'hui, nous avons fait cadeau d'un million d'euros aux promoteurs de l'argent provenant des impôts. Au cadeau, parce que Monsieur Stalins, ça fait quand même plusieurs fois que vous êtes enregistré en disant le mot cadeau. Encore une fois, on vous a prévenu de faire attention à votre vocabulaire. Donc, dans un conseil municipal, ici, il n'y a pas de cadeau. On est dans un conseil municipal. Monsieur Stalins, en plus, vous l'avez déjà fait, vous avez perdu, allez-y. On est dans l'enceinte du conseil municipal. Je vois que vous perdez votre calme sur ce genre de choses, mais... Non, on vous demande de le faire, tiens, allez-y, portez plainte, on vous attend. Mais le mot cadeau, si on pouvait l'éviter de nouveau, parce que ça fait... Le maire vous l'a rappelé déjà, en séance, et il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de mauvaise négociation, parce que si vous voulez, c'est facile de dire « il n'y a qu'à faucon », mais les choses sont un peu plus compliquées. Et si vous voulez, Monsieur Stalins, puisque Monsieur Viollet évolue dans les mêmes sphères que moi, c'est-à-dire moi dans la politique de l'urbanisme et lui dans ses fonctions professionnelles, il saura dire à ce moment-là que le maire et moi, nous avons une très mauvaise réputation, je pense, et nous l'assumons, vis-à-vis des promoteurs, parce que nous sommes considérés comme des gens intransigeants. Il est très difficile pour des promoteurs de venir construire sur Bagnolet, et effectivement, nous sommes fiers de cette réputation. L'année prochaine. Monsieur Lyonnais, vous avez la parole. Ouais, mais... On ira à Cannes l'année prochaine. Il passera le conseil municipal. Monsieur Lyonnais, allez-y. Oui, du coup, je ne voudrais pas me répéter, mais je vais faire dans la citation latine à répétition, hein, errare humanum est, perseverare diabolicum. C'est un tantinet arrogant, mais allez-y. On a déjà eu ce débat. Alors, justement, moi, comme vous nous opposez à la question du prix, parce qu'effectivement, vous avez dit plusieurs fois, mon collègue Sébastien Stalins, que ça le désolait. Je pense que ce qui nous désole, c'est effectivement le gaspillage d'une des rares ressources foncières de cette ville. In fine, vous vendez 500 000 euros un terrain qui en vaut, avec des densités pas énormes, 20 millions au moins. Pardon ? Pardon ? Comment ? Vous pouvez répéter ? Avec une densité moyenne, ce terrain vaut 20 millions d'euros. D'accord. Vous crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Vous aviez déjà quitté la ville lorsque il y a une bagarre dans cette salle du conseil municipal. C'était de l'autre côté en 2012, lorsque les habitants de Lanoue sont venus se mobiliser contre la densification et contre le fait que la précédente municipalité venait raboter un bâtiment de Jean Lolive. Vous auriez porté un projet de densification avec une recette à 20 millions d'euros. Vous imaginez le nombre de logements. Place maximum. Mais alors, justement, puisque vous m'interrompez, allez-y. Parlons de manière un peu détaillée de cette question de la densité. Parce que je pense qu'on peut y aller dans la caricature et on peut faire des tours et des barres. Ce qu'a dit votre adjoint à l'urbanisme. Non, mais monsieur Jamais, est-ce que ce débat a eu lieu en conseil municipal à l'époque ? Objectivement. Continuez à m'interrompre. Pierre Vionnet, est-ce que oui ou non, les habitants se sont mobilisés contre le fait qu'on rabotait les meubles de Jean Lolive pour densifier à Lanoue ? De Jean Lolive. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, mais attendez, c'est monsieur Vionnet qui ne dit pas, ce que vous êtes en train de dire. Donc, allez-y, monsieur Vionnet. Ça ne sert à rien de m'interroper sur un truc qu'il ne dit pas. Donc, laissez-le dire ce qu'il a à dire. J'étais simplement en train de dire qu'effectivement, je pense que personne ici ne dit, comme vient de l'évoquer votre adjoint à l'urbanisme, qu'il faudrait faire des tours et des barres. Et d'ailleurs, à titre personnel, je me suis risqué dans notre blog il y a quelque temps à faire des propositions d'aménagement sur ce site, et où y compris je proposais que près de la moitié soit végétalisée pour établir une continuité entre la Noue Clos français et le quartier des Malassis. Mais justement, sur la densité... La Noue Clos français ? Entre la Noue Clos français et les Malassis ? Oui, parce que de l'autre côté de la rue, c'est le quartier de la Noue et du Clos français qui commence à Montreuil. Si je ne m'abuse et si ma carte de la ville... Regardez le plan des rues. Allez vérifier le plan des rues. Et je crois même qu'il y a entre le Clos français. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle Jean Zay. Allez voir ce qu'il y a entre. Je crois qu'il y a quelque chose. Allez voir ce qu'il y a entre le terrain Pif le Chien et le Clos français. Je crois qu'il y a d'ailleurs une rue Jean Zay qui est à Montreuil, et donc je pense que je ne suis pas totalement perdu. Mais bon, là, je vois que votre technique que vous avez plein de fois pratiquée à ce conseil municipal de ne pas me laisser finir une phrase quand un sujet vous dérange. Allez-y. Mais je reprends inlassablement et calmement. Allez-y. Donc, si on parle sérieusement de densité. Là, vous allez construire moitié moins de mètres carrés que la superficie du terrain, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois un coefficient d'occupation du sol de 0,5, hein, 4000 pour 8000. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, même dans des tissus de toutes petites villes ou ruraux, il est considéré que c'est une densité très insuffisante. Moi, à titre personnel et professionnel, j'ai visité vendredi dernier une opération d'habitat social dans une petite ville au sud de Nantes, en limite de campagne, où ce n'étaient pas des tours et des bars qui étaient construites, puisque c'était des bâtiments de R+1. L'occupation du terrain, le rapport mètre carré construit, mètre carré de terrain, était deux fois supérieur. Donc on n'est pas en train de parler de tours et de bars. Et je vous signale quand même, mais je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'il y a quelque temps a été votée une loi climat et résilience, qui vient consacrer un vieil objectif de sobriété foncière à travers le zéro artificialisation nette, et qu'à un moment donné, il faut plutôt réutiliser des terrains déjà artificialisés, ce qui est le cas du terrain PIF, plutôt que de s'étendre dans les terres agricoles. Donc je pense que on n'est pas en train de prôner une surdensité, mais je pense que la sous-densité n'est pas nécessairement vertueuse. Et puis ensuite, donc, il y a cette question de la densité, mais il y a quand même cette question du prix. Parce que le prix auquel vous vendez n'est pas que le résultat de la sous-densité. Parce que votre prix de vente initial, mon collègue Sébastien Stellens a évoqué le prix au mètre carré de terrain. Mais si on regarde la charge foncière au mètre carré construit, on s'aperçoit que vous vendiez initialement à 300 et quelques euros du mètre carré, ce qui est quand même incroyablement faible. Je n'ai pas regardé les dernières valeurs foncières à Bagnolet, vous devez les connaître mieux que moi, mais on se baladait plutôt au-delà de 1000, et là on parle de 300 et quelques. Et alors, après la prise en charge de la démolition, on est à 124 euros du mètre carré. Tout ça pour un programme. Alors effectivement, vous nous dites villa d'artisans. Moi, j'avoue, j'ai d'ailleurs posé quelques questions à la commission, mais l'adjoint à l'urbanisme n'était pas là pour me répondre. Parce que quelle est la garantie qu'on a ? Alors, je préfère juste dire, parce que c'est un petit pic, que certainement j'étais excusé. Systématiquement les fois on est absent. Oui, vous avez tellement souligné. En l'occurrence, ma voisine me dit c'était quelle commission ? La numéro 1 ? 2. La 2 ? Ben, j'étais excusé. La 2. Ça arrive, hein, vous savez, des fois on est un peu chargé. Et d'ailleurs, on a tenu cette commission, c'est plutôt le directeur général des services qui l'a assuré. Moi, ce concept de villa d'artisan, j'avoue que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas très bien. C'est simple, hein, ce sont des artisans qui vont prendre une maison et qui vont pouvoir lier leur exploitation à cet endroit-là. Hein. Enfin, c'était déjà dans un rapport de l'ancien conseil municipal. Là, oui. Mais la. Je pense que vous le savez très bien, monsieur. Mais la pérennité dans le temps de ce modèle, parce qu'on sait bien qu'il y a des opérations, y compris dans cette ville antérieurement, et ce n'était pas la volonté des équipes municipales, qui affichaient de l'activité économique et qu'elles devenaient du logement avec certains qui faisaient une superbe bascule financière. Je pense que c'est un risque non négligeable. Et donc voilà, donc, moi tout ça, je vois bien que le mot cadeau vous met dans tous vos états. Alors je ne sais tout pas... Tout à fait. Donc, tout à si fait. Vous voulez, ça, je vous confirme que le mot cadeau, on ne le laissera pas passer, parce que si vous voulez, c'est une petite musique que vous essayez. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que là, c'est vrai que ça vous méritez sans doute le titre de bienfaiteur devant l'éternel de Sequano et de Human. Ouais, écoutez, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous savez, il y a encore des élus qui sont, encore une fois, chez Sequano et qui sont des connaissances de vous-même ou de certains de vos collègues dans l'opposition. Je vous propose, si vous avez un peu de courage, de ne pas hésiter à leur dire, à eux aussi, que ce sont des bienfaiteurs de Sequano, parce que vous serez bien reçus, je pense. Maintenant, si je peux vous répondre sur des sujets plus sérieux que de savoir si je suis bienfaiteur de Sequano. Moi, je suis pas conseil d'administration de Sequano. Hein. Et de Human. Oui, mais je ne connais pas plus Human. Hein. Donc, si vous voulez, je n'ai pas d'action chez Human non plus. Hein. Donc, si vous voulez, vous voyez, avec vous, M. Vionnet, c'est ça qui est un peu intéressant et qui mérite d'être dit quand même aux yeux du conseil municipal et aux yeux du public qui nous écoute, c'est que vous avez quand même l'art et la manière de toujours instituer des petites remarques comme cadeau, comme vous connaissez Human, vous êtes le bienfaiteur de Sequano, mais pas du tout. Je ne connais pas Human, je ne les ai même jamais rencontrés, en l'occurrence. Je ne suis pas membre de Sequano. Et encore une fois, si vous voulez des informations sur la Sequano, il y a beaucoup d'élus socialistes, il y a beaucoup d'élus communistes. Il est assez facile pour vous, avec votre carnet d'adresse et vos amis sur Bagnolet, de les rencontrer, de leur dire tout ce que vous pensez de Sequano. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur, monsieur Vionnet. Hein. C'est pas le débat. Donc, moi, je vais vous faire aussi deux autres confidences. D'abord, je ne lis pas votre blog. Donc, je n'étais pas au courant de vos remarques et de vos suggestions, mais je suis heureux de l'apprendre. Ça a déjà été dit à un conseil municipal et vous avez dit la même chose. Je vous le répète, vous voyez, comme quoi je suis assez cohérent Comme quoi, je suis cohérent. Je ne lis pas votre blog. Je suis désolé, monsieur. Oh, ouais, ça, c'est... Et aussi, une autre confidence, je ne parle pas latin. Voilà. Donc, et je tiens aussi à vous rassurer, c'est qu'apparemment, la bonne idée que vous avez eue sur votre blog de créer un passage, bah, nous l'avons eue. Parce que si, effectivement, vous replongez dans le projet, outre le fait que nous ne voulons pas densifier cet endroit-là, et je le martèle, nous ne densifierons pas cette parcelle-là, et je pense que c'est ce que demande la population, encore une fois, et si on fait de la démocratie participative, c'est intéressant quand même d'écouter la population locale. Et une fois qu'on l'a écoutée, de faire des projets qui leur ressemblent. Comme ça empêche d'or. Il y a aussi un passage qui a été créé et qui permettra de relier le quartier des Malassis au quartier de Lannou. Et ça sera quand même mieux qu'un terrain vague que nous avons supporté, nous, la population bagnoletaise, et surtout la population de Lannou, et surtout la population des Malassis, depuis maintenant trop longtemps, depuis des dizaines d'années. Donc oui, le site va évoluer. Et pas seulement un terrain vague, si je puis me permettre juste une précision, mais aussi une décharge alimentée par la ville. Ben vous voyez, on évolue. Ils n'auront jamais. Oui, bon. Bon, déjà, on entérine le fait que, contrairement à ce que voulait notre collègue Édouard de Noël, ça ne sera pas le petit bois de Lannou, en fait. C'est ça, le truc. Petit bois de Lannou. Le petit bois de Lannou, c'est... c'était ta proposition pendant la campagne des municipales. Non, mais, non, deux choses. Moi, je pense qu'il faut répondre à la question qui est fondamentale, que posait Pierre Vionnet. C'est savoir si, effectivement, la villa d'artisans ne se transformera pas demain en loft, voilà, parce que, bon, on ne va pas dire cadeau, mais le présent qui est fait sur le terrain voilà, est quand même conséquent. Mais si en plus les gens demain transforment, les artisans en question transforment ces locaux en logements, comme ça peut arriver, vous voyez la bascule qui peut être réalisée sur le dos de la population. Donc, voilà. Et puis, est-ce que je peux vous répondre tout de suite sur juste une dernière chose. Bah moi, ce que j'entends, c'est que vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas bonne réputation auprès du point de vue des promoteurs. Bah non, vous avez une très très bonne réputation, au contraire. Ah non, rassurez-vous, vous avez une excellente réputation. Bon, bah écoutez, nous n'avons pas les mêmes sources. Mais je peux vous assurer que quand M. Vionnet se renseigne sur la ville à travers les promoteurs, quand il est dans sa sphère privée professionnelle, ils lui répondent bien que nous avons très mauvaise réputation. Parce qu'après, il me téléphone pour me le dire. Bon. Et ça, c'était une parenthèse, mais tout compte fait... Un rapport très tendu avec les promoteurs, ils vous appellent pour vous relayer des conversations. Bah, écoutez, dans le cadre de ma fonction, vous imaginerez bien... En fait, si vous voulez, vous êtes drôle, parce que... Bah, on vous a connu apporteur d'affaires, monsieur Vionnet, monsieur... Ah, le lapsus, monsieur Stalens. Mais apporteur d'affaires... moi, je m'en vais. Ah oui. C'est diffamatoire, en revanche. Bah, écoutez, encore récemment, c'est de la diffamation. Quelle affaire, bah, c'était, quelle affaire. Il y a... 18 mois, il y a 18 mois, j'ai vous souvenez de cette discussion même des personnes dans la salle qui pourraient le dire. Monsieur Pape avait osé prétendre la foi dernière. Mais je le confirme. Écoutez, je ne vais même pas rentrer. Là, bah, c'est plus réellement diffamatoire. Je n'entrerai pas là-dedans. Ça, ouais. Voilà, mais enfin, de toute façon, moi, j'ai juste une question. Une seule question. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que je peux répondre à M. Jamais? Puisque aujourd'hui, la délibération porte sur essentiellement l'aspect financier de cette transaction. Même si on est revenu un petit peu sur ce qui peut s'y passer sur cette parcelle. Est-ce que vous, aujourd'hui, Monsieur le maire et Monsieur Pape, qui nous présentaient cette délibération, vous êtes satisfait de l'argent et du montant obtenu? Est-ce que vous êtes satisfait? On aurait préféré avoir à moins dépolluer, à moins défalquer de la dépollution, non, Monsieur Stalens. Ce n'est pas une réponse. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais est-ce que vous proposez aux Bagnoletais et aux Bagnoletaises vous satisfait? Mais moi, je vais vous répondre autrement. Dites, là, puisqu'on est filmé, ou venez au conseil que de quartier. Que proposez-vous? Voilà, exactement. Qu'auriez-vous proposé sur cette parcelle? Venez leur dire que vous voulez densifier. Qu'auriez-vous proposé dans cette parcelle? Monsieur Stalens, on va arrêter de polémiquer. Votre liste a fait 12 voix dans le quartier de Lannou. Il y a peut-être quelques raisons. Votre liste a fait 5 voix dans le bureau numéro 9 des Malassis. Votre liste a fait 12 voix dans le bureau numéro 8 des Malassis. Donc, vous avez votre électorat dans cette ville, vous avez une audience dans un certain nombre de quartiers, et je le reconnais. Mais si vous voulez, lorsque vous faites le porte-parole des habitants des quartiers populaires ou des habitants de Lannou, je pense que vous n'êtes pas le mieux placé. Pardon, Monsieur Stalens. Pardon, mais monsieur Stalin. Croyez-moi, et croyez-moi que lorsque, lorsque nous avons présenté ce projet aux habitants de Lannou, vous n'y étiez pas. Les habitants de Lannou avaient encore en mémoire les projets des précédents mandats et étaient plutôt satisfaits qu'on densifie pas la parcelle, de la même manière que les habitants de Lannou étaient plutôt satisfaits qu'on leur présente un projet de création d'un centre de formation autour des métiers de la bouche, toujours sur la même avenue. Vous voyez, donc à un moment donné, moi je veux bien, effectivement, il y a beaucoup de dépollution, on est obligé de baisser la recette, c'est incontestable, mais qu'auriez-vous proposé à la place? Peut-être avoir un prix de départ peut-être plus important. Avoir un prix de départ plus important, ce qui aurait fait qu'on aurait pu avoir peut-être un peu plus de recettes pour justement assumer ces coûts de dépollution ou les faire assumer aux promoteurs. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure et voilà ce que je vous répète maintenant. Nous sommes en train de faire un présent, cadeau, offrande, utilisez le mot que vous voulez, cadeau à des promoteurs. Écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Écoutez, on fait cadeau à personne. Voilà. Si vous voulez, on a un désaccord. Ah oui. Moi, je rappelle juste qu'il fut un temps, on voulait densifier à Lannou. Alors moi, j'entends ce que me dit Laurent Jamais. Il ne faut pas caricaturer entre hyper-densification et ne pas densifier ou sous-densifier. J'entends, mais vous, monsieur Stalens, que proposez-vous aux habitants de Lannou? Est-ce que vraiment on en est encore à ce stade de réflexion? Je pense pas. Aujourd'hui, on va quand même pas faire à nouveau des réunions de quartier pour rediscuter. Venez au conseil de quartier de Lannou. On a un conseil de quartier des Malassis la semaine prochaine. Venez au conseil de quartier des Malassis et vous entendrez les habitants. Et parfois, les habitants nous mènent la vie dure parce qu'ils sont pas contents. Mais venez les écouter. Venez les écouter vraiment. Et en tout état de cause, à Lannou, ils étaient vraiment rassurés du fait qu'on ne densifie pas. Après, on peut discuter de la recette, etc. Vos remarques, on peut les entendre. Mais la solution alternative, c'est quoi? C'était les tours de M. Darteil qui étaient prévus en 2010, 2011, 2012, de 200 mètres de haut, avec le téléphérique qui partait de Gallieni et qui arrivait à Lannou. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est ça, votre projet alternatif? Parce que moi, je parle des choses concrètes. À l'époque, c'était ça, le projet alternatif. Est-ce que si vous aviez proposé au promoteur d'assumer les frais de dépollution, le promoteur se serait retiré de cette opération? Il ne l'aurait pas faite. On vous a dit, si vous ne faites pas la dépollution, on ne prend pas. Mais on doit donner un terrain en l'état, dans un état correct. Donc soit on assume nous la dépollution et on le donne dans un état correct, soit on défalque du prix. C'est ça la réalité, vous le savez très bien. Mais dans ce débat, moi, je vois bien deux choses. C'est qu'effectivement, on caricature. Si vous n'approuvez pas ce projet, c'est que vous voulez des tours et je ne sais quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, moi, les projets connus, les projets publics sur ce secteur qui ont été présentés par le passé, c'était des tours de 200 mètres de haut sur ce côté-là de l'avenue de la rue Jean-Lelive, avec le terrain. Non, mais vous rigolez, mais c'est pas drôle. Non, caricature. Non, mais il y a eu des documents très sérieux qui ont été présentés à l'époque à Est Ensemble, où il y avait deux vice-présidents de Bagnolet, où il y avait un certain nombre de conseillers de territoire, il y avait un téléphérique qui partait de Gallieni, qui arrivait à Lannou, et il y avait des bâtiments de 200 mètres de haut. J'ai rien inventé. Je vois des anciens élus dans la salle. J'ai rien inventé, quand même. Donc, à un moment donné, ça, ce sont les projets connus à une certaine époque. Ça, c'est le projet qu'on fait. J'entends vos réserves, j'entends vos réticences. Je les respecte, vos réserves. Mais entre ce que l'on propose là et ce qui a été proposé, présenté par le passé, vous proposez quoi, vous, monsieur Stalin? C'est tout. C'est tout ce que vous avez déjà. Entre une tour de 200 mètres de haut et un village d'artisans, il y a quand même un delta. Qui nous permet quand même de prétendre à ce qu'on puisse trouver un projet adapté au quartier, aux volontés des riverains et aussi au budget et aux nécessités financières de cette ville. On se doit à la condition de vie aussi des habitants de la ville, M. Stalin. Ne les oubliez pas dans votre équation. et la qualité de vie des et la qualité de vie des habitants de la Nouvelle. Transformer Bagnolet. Non, mais n'oubliez pas ça, Monsieur Talens. On vous écoute. N'oubliez pas les habitants de la Nouvelle. Ils ont droit aussi à une qualité de vie. Ils ont le droit à avoir autre chose. Ils ont le droit d'avoir aussi de la verdure. Ils ont le droit d'avoir une venelle qui relie les quartiers. Aucun problème. Et ils ont le droit d'avoir aussi de la mixité fonctionnelle. Donc, n'oubliez pas dans votre sortie de dire aussi qu'il est important de respecter la volonté des habitants de ce quartier et de le préserver leur qualité de vie. Et encore une fois, nous allons le faire avec plusieurs choses. D'abord, la partie économique, les métiers de la bouche. Je pense que ça, c'est un excellent projet qui va apporter de l'emploi sur place avec un restaurant au dernier étage qui amènera de la population sur place. Il y aura donc ce quartier d'artisans, ce passage entre les Malassis et la Nouvelle qui n'existe pas aujourd'hui, puisque si vous allez dans le coin, je ne sais pas si vous y allez souvent, en tout cas moi j'y vais souvent parce que c'est mon, je cours avec Émilie dans le coin. Aujourd'hui c'est un escalier de béton qui finit effectivement dans un terrain vague. Oui, tout ça, ça va évoluer, ça évolue dans le bon sens. Et ça évolue surtout, et encore une fois, c'est dommage que vous ne veniez à aucun conseil de quartier, parce que ça je le martèlerai souvent, on ne vous voit jamais. Aucun conseil de quartier, Monsieur Stalins. Aucun conseil de quartier, on vous voit quelque part. Donc, ne vous faites pas le représentant de certains quartiers où, au moment de l'élection, vous faites très peu de voix, et au moment des conseils de quartier, vous êtes totalement absent. Je n'ai pas besoin d'attendre le temps. Vas-y, vas-y, excuse-moi. J'aurais bien répondre à ça quand même. Trois choses. Vas-y, vas-y. Non, je voulais juste dire trois choses brièvement, parce qu'on ne va pas refaire le débat qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc, effectivement, entre ce que vous proposez et ce qui a été proposé naguère, je pense que, comme l'a dit Sébastien Stellin, il y a un champ de possibilités très large. Et j'avais effectivement eu l'occasion de faire des propositions. Deuxièmement, ce que vous venez de dire est quand même assez culotté, parce que je me souviens très bien d'avoir regardé le projet au moment de la première délibération. Il y a une imperméabilisation très forte de ce site. Hein, il y a un petit passage au milieu, mais l'emprise au sol, parce que si le mètre carré développé n'est pas très important, l'emprise au sol de l'addition de ce projet... Je vous rappelle juste qu'il faut respecter le PLU, M. Est énorme. Monsieur l'emprise au sol, Vionnet, il faut juste vous me réinterrompez de nouveau, l'emprise au sol est énorme et ce terrain aurait pu être végétalisé de manière plus abondante. Et puis, dernière chose, j'ai bien entendu l'argument principal du maire qui est de renvoyer au vote. Bon, je pense que c'est quoi qui est de renvoyer au vote. Je pense que cet argument, un orateur célèbre à l'Assemblée l'avait employé. Bah ouais. Vous avez politiquement tort, parce que vous avez Monsieur Vionnet, vous qui essayez vous qui essayez de trouver des contacts dans les quartiers populaires, vous savez de quoi je parle. S'il vous plaît. Votre silence en dit long. Je propose de passer au voir. Juste une chose, j'ai pas besoin de forcer. J'ai pas, juste par rapport à ma présence dans les maisons de quartier, après on passera au vote si vous souhaitez, j'ai pas besoin d'aller dans les réunions une fois de temps en temps pour rencontrer les bagnoletais et les bagnoletaises. Je les vois tous les jours. Je parle avec eux tous les... Laissez-moi finir, Émilie, s'il vous plaît. Voilà, je vois très impatient, c'est pour ça. Pardon ? Non, rien, finissez, j'attendais. Voilà. Et donc j'ai des discussions avec tous les bagnoletais de tous les quartiers, sans forcément avoir la nécessité de m'afficher et de officiellement faire preuve de présence à un moment donné, une heure, deux heures, et après oublier tout ça et rentrer chez moi. Non, moi je le vis tous les jours, j'aime ma ville tous les jours, je suis tous les jours avec les bagnoletais et les bagnoletaises, je n'ai pas forcément d'avoir besoin d'instructions et de cadres pour le faire. Donc c'est tout ce que je voulais vous répondre sur ce sujet. Très bien. Émilie Trigot. Moi, ça m'amuse que vous nous expliquiez que vous rencontrez les habitantes et les habitants tous les jours. C'est vrai que parfois, vous les rencontriez même pendant des conseils municipaux, mais je suppose que vous n'aviez pas besoin d'être avec nous pour discuter des conseils municipaux, dont acte. Simplement, moi, je veux bien qu'on mette dans un coin les conseils de quartier comme un truc où c'est de l'affichage. On en a fait 42. 42 depuis le début du mandat. Donc, aucun de vous n'ait trouvé le temps de se déplacer à aucun de 42 conseils de quartier. Ça donne quand même une belle image de l'importance que vous donnez aux habitantes et aux habitants. Et je noterai, Angéline n'est pas là, qu'elle, on l'y aperçoit parfois. Mais excusez-moi. Oui, alors juste, je finis juste sur ce passage-là, et je vous laisse, enfin, monsieur le maire vous laisse la parole juste après. Monsieur Stavins. Réservez votre date. Le 16. 16 octobre. Le 16 octobre. Promettez-moi d'être libre le 16 octobre. Comment ? Ça va dépendre. Non, non, on va vous présenter non. L'évolution du devenir des mercuriales. La promesse avant de savoir de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui se passe le 16 octobre ? Alors, on présente l'évolution de le projet des mercuriales. Ah ben, j'y serai. Oui. Eh ben voilà. Je vais vous faire plaisir. Non, merci. C'est... Ouais. Non, mais voilà, je vais quand même faire un petit geste pour vous. Quand même. On vous le dit bien en amont. Solène Bourris. Oui. Bon, on s'éloigne encore à chaque fois des sujets, des délibérations. Dès qu'on parle donc, ouais, on va parler, donc, enfin, on parle de nos présences dans les maisons de quartier, mais ce que je ne comprends pas, vous nous reprochez de ne pas être présents. Bon, on est là à tout, quasiment toutes les commissions, aux conseils municipaux. C'est vos projets que vous défendez en tant que majorité. Nous, on est dans l'opposition. Donc, si c'est pour... Parce qu'on en a déjà fait, on a déjà été présents. Si c'est pour, à chaque fois, régler des comptes avec l'opposition et mettre au milieu les habitants qui viennent justement parler de leur quartier, quel est l'intérêt ? En fait, nous reprocher notre absence, je trouve ça très malsain, de nous reprocher notre absence dans un, dans une instance où vous défendez vos projets. Quand nous, nous serons... Si un jour, nous sommes dans la majorité, et je le souhaite... Je trouverais vraiment inapproprié de reprocher aux élus d'opposition leur absence au conseil de quartier. Là, je pense qu'on mélange un peu tout. Je pense que là, on prend les bagnoletaises et les bagnoletais, pour le coup, pour des idiots. Et comme le dit très bien Sébastien, nous avons l'occasion de parler avec, avec les habitants. Il n'y a pas que les conseils de quartier pour justement les écouter. On le fait au-delà, mais là, nous reprocher, parce que si c'est ça, on peut aussi faire la différence entre les élus de la majorité et les élus de l'opposition. Nous sommes des élus bénévoles. La différence, elle est peut-être aussi là. Si on défend un projet, bien évidemment qu'on sera présent. Mais là, si c'est pour, à chaque fois, on nous fait le coup, et on le voit, là encore une fois, je trouve ça regrettable. Et moi-même, je suis un peu prise au piège. On s'écarte du sujet pour justement pas parler de la délibération. Donc là, on nous reproche nos absences dans un conseil de quartier. Je ne comprends pas. Et un conseil de quartier, pardon, c'est un conseil de quartier, c'est pardon, pas un conseil pardon, municipal. Pardon, c'était à moi, là, oui, M. Stalins. On ne vous reproche pas votre absence dans les conseils de quartier, non. On vous reproche de nous faire croire que vous êtes les porte-parole des habitants alors que vous n'allez pas les écouter en conseil de quartier. Moi, je m'en fiche que vous n'alliez pas en conseil de quartier. Mais le fait est que, Solène, je suis désolée, et tu sais que je t'apprécie, mais là, tu viens de nous donner la preuve que vous ne savez vraiment pas du tout ce qui se passe en conseil de quartier, parce que nous n'en faisons plus l'ordre du jour. Les habitants référents font l'ordre du jour des conseils de quartier, animent les conseils de quartier, rédigent les comptes rendus des conseils de quartier. Alors s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas en conseil de quartier, c'est défendre les projets de la majorité. C'est éventuellement aller en présenter certains et les amender suite au point de vue des habitantes et des habitants présents. Mais encore une fois, si sur 42 conseils, vous aviez daigné y mettre un pied, vous sauriez que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est parfois éventuellement se faire cartonner en conseil de quartier. Même souvent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer au voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération. Suivante, session du parking P5, 47 rue Robespierre. Merci, Monsieur le maire. Toujours dans l'aménagement du territoire, nous allons donc évoquer la session du parking P5. J'ai envie de dire enfin. La commune est propriétaire du parking P5 situé au 47 rue Robespierre. Il s'agit d'un parking collectif semi-enterré sur 3 niveaux, 5 demi-niveaux et comprenant 392 emplacements de stationnement sur une superficie de 8223 m². Pour rappel, ce parking aujourd'hui municipal coûte énormément d'argent à la municipalité en termes de fonctionnement, puisque la ville doit payer une prestation qui s'élève à 355 404 euros par an. Et donc, il s'agit dans un premier temps, avec cette session-là, de faire des économies de fonctionnement. Et j'imagine que vous y serez sensible, puisque de toute façon, cette prestation est négative, puisque la ville aujourd'hui assure par régie l'allocation des places et que celle-ci ne représente qu'une recette de 186 000 euros. Donc, nous allons parler de la session. Pour cela, il faut réaliser un découpage en lots de volume et puis par la suite déclasser certaines parcelles. Je ne reviendrai pas sur la partie technique puisque c'est plutôt bien expliqué dans la délibération. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous avons demandé l'aide d'un commercialisateur pour chercher des acquéreurs et vendre au mieux ce bien communal et ne pour pas faire de cadeau, pour reprendre les mots de M. Stalins. Et malheureusement, malgré plusieurs mois de démarches et deux relances du commercialisateur, alors après, effectivement, peut-être que le commercialisateur est mauvais, me dira M. Stalins, hein, mais à croire que tous ceux qui nous entourent sont mauvais et que tous ceux qui vous entourent sont des gens très j'ai bien. J'ai encore rien dit. Non, mais je sens à vos mimiques qui ne peuvent pas être filmées qu'on va dans cette direction-là. Donc, avant que vous interveniez, je vais vous donner quelques éléments. Donc, un commercialisateur a été retenu sur différents. Ce commercialisateur a fait des premières démarches et n'a eu qu'un seul acquéreur. Et vous vous en doutez bien, parce que nous sommes, malgré tout ce que vous pensez quand même, des gens qui réfléchissent. Monsieur le maire et moi-même avons demandé à ce qu'il fasse un second tour des possibilités pour essayer d'avoir d'autres offres. Et malheureusement, s'il y a eu plusieurs visites sur le site pendant plusieurs mois, à la fin, il n'y a eu qu'un seul acquéreur. Celui-ci, donc nous avons fait évaluer évidemment cette parcelle-là, ce bien communal, excusez-moi, pas parcelle, ce bien communal, par les domaines, puisque nous sommes des personnes, des élus sérieux. Comme c'est indiqué dans la délibération... C'est juste obligatoire, hein. C'est pas oui, une preuve de sérieux, c'est juste obligatoire. Est-ce que vous pouvez considérer que nous sommes sérieux, monsieur Vionnet ? Juste obligatoire, c'est factuel. Bon, on ne va pas se battre tous les deux. Donc, comme nous sommes des élus responsables et sérieux, nous avons donc fait évaluer par les domaines le dit bien, et ce bien, excusez-moi, a été évalué à 2 275 000 euros. Entre-temps, parce que tout cela a pris beaucoup de temps, malheureusement, il y a eu un énorme dégât, un incendie. Et nous avons dû, suite à des devis de Finaparc et des devis communaux, je préfère le dire de suite à M. Stalins, qui n'hésitera pas à rebondir sur ce sujet-là, et nous sommes arrivés aux mêmes conclusions sur l'état du parking. Aujourd'hui, déduction faite de ces deux devis qui viennent de deux sources différentes, c'est peut-être pas scientifique, mais c'est quand même deux voies différentes qui, malheureusement, constatent exactement la même chose. Nous sommes là ce soir pour délibérer et pour vendre ce bien communal. Et comme je disais en préambule, enfin. Donc ça va nous permettre de faire des économies de fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, et avoir des recettes qui s'élèvent à 1 500 000 euros à la société Finaparc. Merci Cédric. Monsieur Vionnet. Oui, quatre remarques sur cette session. Bon, la première, vous venez de le faire, c'est-à-dire qu'il y a une estimation des domaines, elle est à près de 2,3 millions, vous vendez à 1,5 million. Bon, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des marges de l'ordre de 10% qui sont admises pour s'écarter d'une estimation des domaines. Bon, je constate qu'on est au-delà. Non. Alors là, si vous me permettez, je peux peut-être vous répondre de suite là-dessus. Comme ça, ça évite que le débat soit trop long. Et comme ça, comme je suis sérieux, je ne vais pas oublier la première question. Non, vous êtes un expert comme moi. Vous savez très bien que ce que vous venez de dire, c'est qu'une part de la réalité. On y va ? Ouais, allez, je continue. J'aime le signe d'égalité que vous essayez de placer avec Pierre Vionnet. C'est plutôt rigolo. C'est subtil, mais on vous voit venir. Monsieur Pape, vous pensez que je vais finir dans l'urbanisme côté professionnel ? Non, je vous rassure. Je resterai élu à l'urbanisme. Donc, pour que tout le monde comprenne bien la subtilité de Monsieur Vionnet, ce qu'il vient de dire à l'instant. Et corrigez-moi si je me trompe, monsieur Vionnet. Oui, effectivement, il y a une marge sur le prix du domaine. Mais le prix du domaine, en fait, et notamment sur ce sujet-là, puisqu'on s'est un peu renseigné, parce que nous sommes responsables et sérieux, en fait, évalue le prix du bien communal, c'est-à-dire un parking, en fonction de l'ensemble des parkings aux alentours. Mais ne prend pas en considération l'état du parking et notamment de sa détérioration liée à l'incendie qui a touché l'infrastructure en béton. Et donc, du coup, pour pallier à cela, il faut faire des devis. Et c'est pour ça que je pense qu'on a été sage de faire cela. On n'a pas fait spécialement confiance dans le devis de l'acheteur, mais nous avons aussi fait des devis de notre côté pour venir corroborer les propos de l'acheteur. Il se trouve que nous sommes arrivés exactement aux mêmes sommes et que donc nous ne sommes pas dans la marge de 10% que vous citiez tout à l'heure, mais il faut faire la déduction du fait que le bien a été détérioré par un incendie auparavant. Et du coup, forcément, on est en dessous des 10%. Bon, j'entends, mais factuellement, vous vendez assez nettement en dessous du prix de l'estimation des domaines. Ensuite, deuxième, je vous en ai fait aucun procès d'intention, mais je le constate factuellement. Deuxièmement, il y a une question que je me posais sur la question du maintien du prix de location pour les habitants du quartier. D'ailleurs, c'est une question que notre collègue Amitcher a posée en commission, si je me souviens bien, je parle sous son contrôle. Et la réponse qui a été faite est oui, ça sera maintenu, mais vous avez répondu à la question pendant combien de temps, si mes notes sont exactes, vous m'avez répondu, monsieur le maire, que ce n'était pas précisé en l'état actuel des choses. Donc c'était la question que je me posais, s'il y a des garanties dans la durée de maintien de ce prix de location. Ensuite, ma troisième remarque liée à l'échange qu'on a eu en commission, j'ai un peu l'impression que c'est une vente un peu par impuissance, parce que vous l'avez dit là aussi, si je me souviens bien de vos propos, monsieur le maire, on n'arrive pas à gérer ce parking, et en plus il nous coûte cher, donc il vaut mieux le vendre. Donc c'est un peu une vente par impuissance, et c'est surtout moi le dernier point là qui me pose question. C'est que peut-être, je n'ai pas les éléments pour en juger, peut-être qu'il est pertinent de le vendre. Mais par contre, ce qui me semblerait utile, c'est qu'une telle décision soit prise sur une vision de projet d'ensemble sur ce quartier de la Capsulerie, parce qu'il y a une dalle au-dessus, il y a des imbrications derrière. Et moi, je n'ai jamais entendu un projet, une vision sur ce quartier de la Capsulerie qui permettrait d'illustrer si la vente de ce parking est pertinente ou si au contraire elle pose des difficultés pour une évolution, une transformation urbaine du quartier, d'autant plus que ce quartier, si je ne m'abuse, est un quartier classé en politique de la ville, est un QPV. Vous évoquez souvent la convention en rue, mais il n'est pas pris en compte dans la convention en rue. Donc moi, ce qui me pose un peu question, c'est qu'on vend parce qu'on n'arrive pas à le gérer, parce qu'il coûte cher, que finalement, comme tout ça est difficile dans le contexte, on a une offre inférieure au prix des domaines, mais que cette vente se produit dans un contexte où, pour autant, il n'y a pas de vision sur l'évolution de ce quartier qui vit quand même... je n'y habite pas, mais j'y passe assez souvent, et certains ici y habitent, qui est quand même un quartier qui vit très mal et très difficilement. Alors, sur l'absence de vision, je ne vais pas vous refaire le numéro de venir en réunion publique et en conseil de quartier, mais si vous étiez venu, vous auriez eu l'occasion d'échanger avec la municipalité, avec un bureau d'études, avec les habitants sur une étude urbaine sur la Capsulerie. Puisqu'il y a une étude urbaine qui a été réalisée sur le secteur de la Capsulerie. Il y a des projets qui ont été présentés, notamment aux membres du bureau municipal, que nous avons autorisé l'OGIREP à travailler sur le bas de la Capsulerie, en l'occurrence sur Sesto Fiorentino, où nous avons validé un projet de réhabilitation-résidentialisation, que le haut de la partie n'a pas été validée, puisque la proposition qui nous était faite et qui reprenait des préconisations de la direction départementale de la sécurité publique visait à créer une voie, en l'occurrence une rue, qui partait de la rue de la Capsulerie et qui se terminait au pied du foyer à Domain, et que l'ensemble des élus de la majorité municipale, toutes tendances confondues, ont jugé qu'il n'était pas utile d'avoir cette voie, qu'elle était plutôt anxiogène. Sachant que, je le rappelle, puisque ça avait été aussi présenté à la fin du précédent mandat, il fut un temps où Adoma envisageait de démolir son bâtiment, et qu'aujourd'hui, Adoma a changé son fusil d'épaule et qu'il souhaite plutôt le réhabiliter. Donc, si vous voulez, tout ça, effectivement, conditionne les projets sur le quartier pour lequel nous avons une vision d'ensemble que nous avons eu l'occasion de présenter. Et encore une fois, c'est sur la dalle Sesto, ça va démarrer l'an prochain. Plus précisément, le parking P5. On ne peut pas nous accuser à longueur de temps de dire que nous ne savons pas gérer, que nous sommes des adeptes de la gabegie, et nous reprocher de vendre un parking qui coûte depuis des années et des années 180 000 euros en charge nette à la ville, déduction faite des recettes et des dépenses. Voilà, 180 000 euros en fonctionnement sur le budget de la ville. Et d'éminents élus qui ne siègent plus aujourd'hui au conseil municipal préconisaient justement cette vente et regrettaient que cette vente n'intervienne pas plus tôt. Vous voyez ? Et vous faites parfois l'exégèse de certains de ces anciens collègues. Donc, ça a un coût. Ça a un coût. Effectivement, aujourd'hui, on arrive au bout de l'exercice. On a un prestataire qui travaille. Je vous invite à aller voir le parking. Vous le connaissez comme moi. Squat, deal, voiture ventouse, etc., etc. Le prestataire est lui-même dépassé. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est la vocation de la ville de Bagnolet d'être propriétaire de ce parking ? Ma réponse est non. Voilà. Je pense que non, la ville de Bagnolet n'a pas vocation à rester propriétaire de ce parking. Effectivement, on a mandaté un commercialisateur il y a de longs mois maintenant. On a eu le débat en bureau municipal sur le niveau de vente. Est-ce qu'il faut prendre le temps de voir si on a d'autres prestataires qui pourraient être intéressés par l'achat ? On a pris 6 mois de plus. Figurez-vous qu'on a discuté de ce sujet, si ma mémoire est bonne, fin mai, début juin, au sein de la municipalité. On a pris le temps de reconsulter. Et aujourd'hui, il y a un seul acheteur. Croyez-moi que s'il y avait d'autres acheteurs, on en aurait... Et il y a des gens qui se sont manifestés. Il y a des gens qui se sont manifestés, mais ils ne voulaient pas aller au-delà de 650 000 euros. Et éventuellement, il aurait fallu que la ville... continue à gérer elle-même les abonnements. Donc aujourd'hui, on peut considérer que la solution n'est pas idéale, c'est votre position. Aujourd'hui, je pense qu'il est enfin temps de se débarrasser, pardon, de ce parking, sachant que l'acheteur va maintenir, s'est engagé, ça figurera dans l'acte de vente, à maintenir le prix pour les Bagnoletais. Mais, je le dis, les prix seront augmentés pour les non-bagnoletais, pour les places qui seront mises en location à l'avenir. Voilà ce qui a été dit. Et l'objectif, c'est de signer cet acte de vente d'ici la fin de l'année. Allez-y. Pas sur le contenu du dossier sur lequel nous avons échangé. Par contre, sur le fonctionnement de notre conseil municipal, je pense qu'il serait intéressant qu'on ne soit pas, je crois qu'on a déjà eu cet échange, appelé seulement à voter des délibérations parce qu'elles sont légalement obligatoires, mais que justement, les réflexions, les perspectives que vous pouvez porter puissent être partagées dans ce conseil municipal. Écoutez, on le présente en réunion publique, mais on peut aussi parfois se réserver un conseil municipal et le dédier à des grands projets structurants. Peut-être qu'il faut qu'on revoie, peut-être se réserver une fois par mois ou une fois par trimestre, un conseil municipal dédié au NPNRU, dédié au PNR CAD ou dédié à l'étude urbaine sur la Capsulerie. Pourquoi pas ? On va demander à l'administration de travailler là-dessus une fois par trimestre. Ça me paraît être quelque chose de raisonnable. Le conseil municipal en mode de travail, ça a été fait quelquefois sous mon prédécesseur. On pourrait l'envisager. Je ne vois pas d'obstacle. D'autres remarques, Amit Chaya. Ouais, merci. Une question. Si j'ai bien compris, tu as dit que le promoteur, dans le compromis, ça a indiqué que le tarif ne va pas augmenter pour les bagnoletés. Mais je veux savoir pour quelle durée, en fait. Parce que moi, je connais mon point de vue, Cédric, sur le P5. Maintenant, il va être vendu. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout pour les habitants, concernant la tarification, combien de temps le promoteur va s'engager à ne pas augmenter le tarif. Si c'est pour un an et après, et surtout avec un tarif exorbitant, ce n'est pas la peine. Mais si tu me dis sur 5-6 ans qu'il n'augmente pas le tarif, et que c'est indiqué et acté dans le compromis, puisque si ce n'est pas dans le compromis, dans 6 mois, il va augmenter le prix. Voilà. Mais si c'est acté dans le compromis, comme a dit Tony, moi, c'est parfait. Donc, ça ne me dérange pas. Et moi, les bagnoletés, surtout ceux qui habitent la capsulerie, au moins, ils seront satisfaits que le tarif n'augmente pas, en fait. Sachant qu'il y a pas mal de voitures de collection qui ont des tarifs qui sont très, très chers et ils ne sont pas prêts de sortir de ce parking-là. Donc, si demain, ils ont des tarifs exorbitants, ça va être un peu compliqué. Et ces voitures de collection, je sais à qui elles appartiennent. Donc, voilà, je veux savoir si vraiment le promoteur en soi va pas augmenter les tarifs. C'est une bonne chose. Alors, si c'est ça indiqué... Ça fait partie des exigences qu'on porte auprès de l'acquéreur. Ça fait partie des exigences qu'on porte auprès de l'acquéreur. Et c'est acté dans le compromis ou pas dans... On ne l'a pas signé encore. Le compromis n'est pas rédigé. Voilà, mais ça va être après. Bah, très bien. Une fois qu'on est autorisé à signer, ce sera dans l'acte de vente. Moi, je veux savoir la durée, en fait. Est-ce qu'on aura une durée assez... qu'on pourra lui imposer, sachant que, bon, on lui a fait un prix. Et comme on en a parlé longuement au bureau municipal, au moins lui donner une date... Voilà, une durée pour voilà, qui s'engage à ne pas augmenter le tarif pour les bagnoletés. Moi, les non-bagnoletés, ceux qui viennent de Paris et tout, là, il peut faire ce qu'il veut. Mais pour les bagnoletés même, voilà, je veux qu'ils s'engagent à ne pas augmenter les tarifs qu'on fait actuellement pour les bagnoletés à ce jour, que fait le tarif que fait la mairie, en fait. C'est tout. En fait, on a déjà eu cette discussion-là. Elle n'est pas encore terminée. L'acte n'est pas rédigé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on partage la même opinion, puisque quand on l'a reçue, il y avait différents sujets qu'on devait aborder et celui-ci a été abordé et on a eu en face de nous quelqu'un de très constructif et je pense que ça, effectivement, ça bloquera le prix pendant une certaine durée comme il s'y est engagé. Mais pour l'instant, ce n'est pas rédigé dans l'acte puisqu'on attend de voter la délibération pour passer au niveau de l'acte. Mais on partage exactement ta préoccupation, comme on a vu te le dire, j'imagine, en bureau municipal. Je me demande comment vous allez y arriver, puisque c'est une promesse de vente qui s'enchaîne avec un acte de vente. Ouais. C'est un transfert de propriété. Vous n'avez aucune possibilité de contrition sur l'acquéreur futur. Non, vous avez en fait, si vous voulez, on transférez la propriété. Monsieur Stalins. Transférez la propriété. Il vous manque vraiment cette expérience. Est-ce que je peux terminer ? J'ai pas terminé de surcroît, excusez-moi, Monsieur Pape. Donc, je me demande comment structurer dans un contrat, de façon légale, cette obligation qui pesera sur l'acquéreur futur. Je pense pas que ce soit possible. En tout cas, ça sera une condition suspensive non tenue et non tenable. Mais possible de la rédiger, peut-être de la signer, mais ça n'ira pas au bout. Et deuxième point, c'est une question. Quand vous dites que vous avez fait des devis qui sont corrélés avec les devis réalisés par l'acquéreur, correspondant donc à la déflation par rapport au prix, quel est le montant des travaux qui étaient réalisés consécutifs à l'incendie? Et deuxième question, pourquoi pas avoir fait intervenir une seconde fois les domaines après l'incendie pour redéfinir le prix et éviter d'avoir à le faire vous-même de façon très aléatoire? Alors, en fait, comme quoi, nous ne sommes vraiment pas différents. Parce que cette remarque-là, effectivement, nous y avons pensé, M. Stalins. Parce que, encore une fois, ça me rappelle la discussion que nous avons eue, notamment sur l'élection du premier maire adjoint. Si vous permettez cette toute petite parenthèse. Je me souviens avoir répondu à Madame Angeline Desbordsilly, qui est absente, et je sais qu'on n'a pas le droit de parler des absents. Mais on lui a dit à ce moment-là... Surtout qu'elle a le Covid. Bon, Oui, vous êtes pas. Ça manque d'élégance, monsieur Lyonnais. Voilà, exactement. Mais bon, ça vous ressemble. Maintenant, revenons peut-être au sérieux. On n'est pas obligé de savoir exactement quelle est la maladie de madame. Allez, on revient au sérieux. Oui, on y a pensé, monsieur Stalins. Et donc, en fait, on a écrit au domaine pour qu'il fasse une deuxième réévaluation, parce que nous savions pertinemment que ce sujet allait être abordé au conseil municipal à juste titre, parce que vous êtes dans votre rôle d'opposition, de demander si on fait les choses sérieusement. Et les domaines nous ont répondu non, il faut... Nous, c'est ce que je vous disais, en fait, ce que j'expliquais à M. Venet tout à l'heure. Nous évaluons à l'état de l'art sur l'ensemble des parkings dans l'espace environnant pour faire l'évaluation des domaines. Et s'il y a des dommages très lourds, il faut faire des devis. Et c'est à vous de venir, en fait, soustraire le prix des devis et d'être sûr du montant des devis par rapport à notre estimation. Mais notre estimation ne changera pas, même s'il y a eu une infrastructure touchée. Et le montant des devis ? Je vous laisse... Donc voilà la réponse. Donc on y a pensé, M. Stalins. En fait, si vous voulez, il faut... Alors, là où je... Pourquoi je parlais de Mme Desportilly par rapport à l'élection du premier adjoint, c'est que à un moment, ce ne sont pas nos décisions techniques. En fait, il y a des services derrière nous qui sont plus compétents que nous. Et M. Vionnet en a fait partie à son époque sur la ville de Bagnolet. Donc il sait bien que les services sont compétents. Et ce sont les réponses des services, en fait. Donc que ce soit l'élection du premier maire adjoint, ça c'est pour M. Bariglioli, ou que ce soit, en l'occurrence, une réponse par rapport à l'évaluation des domaines. Ah, je ne pouvais pas m'en empêcher, M. Bariglioli. Je sais. Le tribunal a répondu pour vous. Je parlais à M. Stalins. Eh oui. Ben, vous avez été débouté, M. Barayou. Mais voilà. Comme quoi, tout le monde peut perdre. Les faits sont têtus. Donc, les services nous ont répondu, effectivement, on va écrire au domaine et les domaines nous auront fait cette réponse. Mais en fait, si vous voulez, nous, notre état d'esprit, c'est d'arriver quand même en conseil municipal avec le maximum d'informations pour vous dire que cette session a été longuement étudiée, que nous avons essayé d'aller au mieux, parce que nous sommes là pour défendre au mieux les intérêts des bagnoletaises et des bagnoletais, pour vous démontrer aussi que le travail a été fait correctement par les services. Par les services, encore une fois. C'est parce que quand vous nous attaquez sur des procédures techniques, en fait, ce sont les services que vous mettez en défaut. Donc là, en l'occurrence, les services ont bien fait leur travail. Ils ont effectivement demandé un second avis au domaine. Voilà la réponse qui a été faite par les domaines. Du coup, nous avons coupé plusieurs devis pour avoir une réalité du montant. Et aujourd'hui, vous avez tout ça dans la délibération. Et le montant est de combien ? Oh, ben, c'est écrit dans la délibération. Ah, mais je prenais le temps juste de me le redonner quand même. On est là pour en discuter. Bah, écoutez, si vous l'avez dans la délib, moi, prenons le temps. Comme s'il vous plaît. C'est une information. Écoutez, bah, si c'est 1 million d'euros. De quoi ? Les travaux ? Il y a 1 million d'euros de travaux. Vous l'avez dans la note, monsieur. Donc pour patienter le temps que vous trouvez, je voulais vous... 2 250 000 euros, c'était le prix des domaines. Non, au départ, c'est 2 117 000 euros, c'est le prix d'évaluation des domaines. Oui. Et aujourd'hui, on est obligé de vendre à 1 500 000, donc c'est la différence entre 1 500 000 et 2 117 000. Donc c'est approximatif entre 500 et 600 000 euros. Donc les travaux ? Oui. Bah, vous avez un devis, vous êtes certain, ou vous dites que vous avez un calcul au mouillé ? Votre ton est un peu dérangeant. Mais non, mais encore une fois, là, vous attaquez les services. Donc, je n'attaque pas les services, encore une fois, les services. Eh ben, je vous réponds, M. Stalins, évitez d'avoir un ton qui est, comment dire, suspicieux, constamment. Admettez que les services travaillent de façon honnête. Admettez que les services fassent des devis et aient les mêmes devis que Finapark. Et je vous réponds, il y a des travaux pour une hauteur de 600 000 euros. Voilà. Donc ne jouez pas la personne outragée qui ne vous correspond pas. La réponse est claire. Donc c'est 600 000 euros. Je pense que vous n'êtes pas sourd. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Juste pour préciser, puisque vous avez fait tellement vite que nous votons contre. Voilà, ça facilitera, c'est pour faciliter le travail des services qui sont derrière vous. Alors, on passe à la délibération. Excusez-moi, c'est toujours un petit peu. 20, c'est ça? Oui, 20. Alors, délibération 20. Subvention à l'Association des jeunes pour le développement à Bagnolet AJDB dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile pour le déploiement de son projet 4 saisons. Vassindou. Il est parti aussi. Vas-y. Mais non, mais attends, de toute façon, il ne reviendra pas. Vassindou, il est parti. D'accord. Okay. Donc allons-y. Avez-vous des questions sur cette délibération? J'en profite parce que je lève la main parce que il m'a coupé ça tout à l'heure, mais c'est pas très élégant d'interpeller des habitants qui sont dans la salle. Donc je vous demande de ne pas le faire. Bah, et puis par ailleurs, puisqu'on était sur une... Attendez, j'ai la parole. Puisqu'on était une soirée élocution latine, puisque vous avez gargarisé votre élection de premier adjoint, il y a une très belle élocution latine qui dit « Il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéenne ». Eh bien, je n'ai pas compris. Mais excusez-moi, je vous invite à la lire ce soir, quand vous serez rentré. C'est assez arrogant et méprisant. Non, mais vous inquiétez pas. Non, non, je ne parle pas latin, je vous le confirme. Ah bah, apparemment, vous êtes bilingue. Mais moi, je l'avais bien en français. Oui, je vous ai parlé en français, oui. C'était en français, oui, c'est vrai. Il n'a pas loin du Capitole à la roche tarpéenne. C'est un éloge à votre prédécesseur et peut-être à votre destin futur, je ne sais pas. Oui, arrêtez de semer le trouble, monsieur Jamais. Vous avez essayé, ça vous pas a... Pas de mépris. Vous avez essayé, vous avez mal vécu. C'était ça. Pour attendre que le maire revienne voilà, parmi nous. Donc, délibération numéro 20. Est-ce que vous avez des remarques, monsieur Jamais, puisque vous avez la langue bien pendue? Non, pas de remarques? Ok. Alors, qui est pour? Vous êtes pour? Oui, bah c'est bien. Bah, je suis surpris. Mais attendez, il y a plein. Attendez, on vote quand même un certain nombre de choses. On vous dit, ça vous étonne qu'on joue notre rôle d'opposition sur un certain nombre de délibérations où on n'est pas d'accord. Et après, il y a des délibérations sur lesquelles on est d'accord et en bon sens et en bon droit, on vote pour. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de ce qui vous bouleverse à ce point-là. Quoi. Correctement, comme le demandait Monsieur Vianney tout à l'heure, qui est pour l'ensemble du conseil? Merci, monsieur. Oui, mais excusez-moi, je suis novice. Hein. Quand on vous dit on est pour, l'administration qui est derrière vous a l'habitude, lorsqu'on se dit qu'on est pour, évidemment, ils ne s'attendent pas à ce qu'on vote tous bien pour, etc. Ils notent pour, voilà. Bon. Tout va bien, tout va bien. Allez-y, continuez. On y va. Délibération 21, convention entre la ville de Bagnolet et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis concernant les centres de protection maternelle et infantile Grégoire de la Gannerie. Oui, merci beaucoup. Je vais faire les deux délibérations, ces deux conventions avec le département de la Seine-Saint-Denis, donc avec la PMI, le financement de la PMI et du planning familial, donc des subventions à hauteur de 450 000 euros pour la PMI et d'un peu plus de 150 000 euros pour le planning familial. Ce sont deux organismes extrêmement importants pour l'accès aux soins à Bagnolet. En ce qui concerne la PMI, on a en 2022 plus de 200 femmes en consultation pré- et postnatale, plus de 700 consultations de psychologues, près d'une centaine de visites à domicile de puéricultrices et plus de 600 familles qui ont participé aux accueils parents-enfants. Donc on comprend bien l'importance des PMI Adélaïde Lahaye et Pierre et Marie Curie dans la prise en charge de ces familles. En ce qui concerne le planning familial, on a également une année 2022 qui a été extrêmement riche avec 669 consultations de gynécologie, dont 24 IVG médicamenteuses, 100 situations de violence conjugale traitées, 115 de consultations liées à des difficultés sexuelles, 236 consultations liées à la contraception et des interventions, de nombreuses interventions auprès de un peu plus de 800 élèves dans les différents niveaux, école élémentaire et collège notamment. Voilà, je vous remercie. Merci Grégoire. Avez-vous des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est pour? Comment? Je vous remercie. Il y a deux délibres, il faut qu'on vote les deux. D'abord la 21, après la 22. Tu as fait la 21 et la 22? D'accord, bah, donc la 21, on ne va pas voter, on va dire que c'était celle qui était auparavant. Et maintenant sur le rapport, la délibération 22. Qui est pour? Je vous remercie. Sport, rapport, délibération 23. Convention de la mise à disposition par Essensemble de la billetterie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Mona Bellil. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, en 2022, l'établissement public Est Ensemble s'est vu proposer par Paris 2024 une billetterie en pré-vente pour assister aux Jeux Olympiques. La ville a donc formulé ses souhaits de billets auprès d'Est Ensemble, qui a agi en qualité de centrale d'achat pour l'ensemble des 9 villes du territoire. La présente convention fixe les modalités de remboursement par notre commune des billets à récupérer auprès d'Est Ensemble. Il est donc question ici d'autoriser Monsieur le maire à signer auprès d'Est Ensemble cette convention qui porte sur l'achat de 471 billets d'une valeur totale de 23 208 euros TTC. Monsieur Jamais. Oui, évidemment, on va voter pour. C'était toi, Sven ? Non, mais vas-y. Non, bah vas-y, on va. Bah, vas-y, Sven. Allez, Madame Le Bourris. Non, j'ai juste une question. Ces places, qui en seront les destinataires ? Est-ce que ça sera déjà les prioritaires seront les membres des associations sportives ? Alors, en fait, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on s'occupe dans un premier temps d'acheter ces billets, puisqu'en fait, il y a une concurrence assez rude entre les collectivités, hein, et notamment Est Ensemble, par exemple, avait préempté 10 000 billets. Elle a un taux de satisfaction de 50%, qu'elle a dû dispatcher auprès des 9 villes du territoire. Donc, puisque le CD 93 se positionne, Pleine Commune se positionne, et bien d'autres communes également qui accueillent des épreuves sur son territoire. Donc là, dans un premier temps, c'était de se positionner sur les places et les épreuves, puisqu'on n'a pas eu non plus... On a un taux de satisfaction de 62% quand même. On vise un peu plus de billets, et finalement, on arrive à 471 via Est Ensemble. On en aura d'autres, certainement, de la métropole du Grand Paris, avec un chiffre qui s'avoisine autour de 181 billets. L'idée, et c'est une commande qui a été passée aux différents services, puisqu'il y aura également la billetterie sur les Paralympiques, qui arrivera dans un second temps. Là aussi, Est Ensemble agira en tant que centrale d'achat. Donc on travaille en partenariat avec ma collègue Brigitte de la Perelle sur les épreuves sélectionnées, le nombre de billets. Donc ce qui a été demandé au service, c'est d'identifier d'ores et déjà qui, sur notre territoire, notamment via les associations, qui recevra des billets. Puisque nous, on aura la maîtrise de nos billets, mais le ministère des Sports va en donner également sur notre territoire. Peut-être pas via la ville, mais via d'autres canaux. Le CD 93 également, la région certainement. Donc l'idée, c'est d'identifier qui recevra les billets pour ne pas donner au même public. Vu la rareté du bien, il sera intéressant de ventiler auprès des jeunes, auprès des seniors. Donc voilà, l'idée, c'est pas mettre tous les deux dans le même panier. Donc identifier qui les recevra et ensuite les dispatcher. Ça sent qu'il y a une grosse difficulté qu'on tente de soulever au niveau des villes, c'est que les billets seront nominatifs. Dans la mesure où les billets seront nominatifs et que les épreuves se tiendront en grande majorité, du moins pour les Jeux Olympiques à l'été, et si on vise les jeunes, il faudra s'assurer qu'ils ne soient pas en vacances. Donc voilà, c'est une autre difficulté qui est en train d'être en discussion avec Paris 2024, Est Ensemble, enfin, donc toutes les collectivités sont sur le dossier. J'en saurai plus très prochainement et quand on en saura plus, on aura plus de visibilité sur comment on dispatche. Je reviendrai devant vous et je vous le dirai. Alors, Monsieur Stalins, peut-être ? Non, mais très rapidement, c'est juste qui gère la sélection des épreuves et des sports sélectionnés par la ville ? Est-ce qu'on a un budget global pour acheter ces billets ? On estime à combien en tout cas ? Alors, les billets, comme j'ai pu vous le dire, on est autour de 23 208 euros, 471 places. On a choisi différentes épreuves, enfin, différents sports, notamment sur les sports qui sont pratiqués sur la commune ou pour lesquels on aura des compétiteurs, compétitrices bagnoletaises et bagnoletais qui probablement se positionneront et on leur souhaite un franc succès dans les sélections et puis dans la pratique. Enfin, et à côté, d'autres sports qui sont très peu connus ou peu pratiqués sur le territoire. Là, par exemple, les billets qu'on a obtenus, je les ai sous les yeux. Donc, on a la lutte, le tennis, le rugby à 7, l'escrime, le sport équestre, le foot, l'athlétisme, la boxe, le plongeon et le basket 3x3 pour ce qui est des Jeux olympiques. Voilà. D'autres questions ? Oui, rapidement. Enfin, voilà. Bon, je pense qu'on avait tous en tête que ces Jeux Olympiques pouvaient être un élan pour les territoires et puis quelque chose qui soit un moment de fête pour les populations. Heureusement que les collectivités locales s'engagent. Sinon, évidemment, c'est quand même un peu la soupe à la grimace sur les billets, le prix. Pour le coup, c'est on va rater ce rendez-vous-là, quoi. Donc, voilà. Bon, je vais pas parler des équipements parce que sinon on va alourdir la soirée. Enfin, en tout cas, voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai commencé par. Évidemment, on va voter. On est favorable à cette délibération, mais je tenais à dire ça parce que pour celles et ceux qui sont amoureux du sport et qui ont cherché à obtenir des billets, vraiment, pour le coup, c'est vraiment une grosse désillusion, quoi. Et c'est pas pour ça que, en tout cas, on souhaitait, pour un certain nombre d'entre nous, que les Jeux organisés. Je vous remercie. On passe au. Et la flamme olympique passera à Bagnolet dans le quartier de Lannou le 24 juillet de l'an prochain. On passe au vote. Hein ? Oui, Mona. Qu'est-ce que tu disais, Mona ? Le 25 juillet. Ouais. Faites attention, réservons votre date, monsieur Stalins. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Monsieur le maire. Dernière délibération, Daouda Keïta, attribution d'une subvention exceptionnelle au Secours populaire français pour les victimes du séisme au Maroc. Merci Tony. Chers collègues, excusez-moi, je suis malade. J'ai la grippe. Mais notre action s'est très très bien passée parce que nous sommes parmi les premières communes de la France qui ont agi sur ce problème-là et qui ont bien agi. Par contre, le 19 septembre, il y avait la rencontre internationale de Cités Unies France. C'est là où il y avait le problème. Parce que dans cette rencontre, il n'y a aucune commune d'Algérie qui est venue, il n'y a aucune commune du Maroc qui est venue en Afrique. Et seule une commune en Tchad est venue, seules des communes sont venues au Sénégal. Sinon, les Palestiniens étaient là, les Israéliens étaient là, il y avait les Américains, il y avait les Chinois. Donc, prochainement, lors d'un conseil municipal, je vais faire un rapport parce que, comme je ne peux pas trop parler, on en fera. Merci. Et on pourrait faire la même chose pour la Libye, effectivement. Non, jamais. Bah, j'allais en parler. D'abord, évidemment, on a raison de voter cette délibération. Je pense que tout le monde a en tête le fait que les besoins sont immenses en eau, en assainissement, en reconstruction, en transport, parce que les villages sont éloignés. Enfin, voilà. Dire aussi que le Secours populaire a déjà un fonds d'urgence qu'il a décidé de évidemment mobiliser, 150 000 euros très vite. Il y a une mission qui sera sur place pour rencontrer les autorités, les associations et puis mesurer les besoins. Savoir que c'est une des associations qui est présente aujourd'hui parce qu'elle a des partenaires. Et ce qui est une réponse à une difficulté. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à ce que disait Daouda, c'est que aujourd'hui la France officielle, telle qu'on l'a pu concevoir en termes d'intervention pour aider des populations, aujourd'hui est compliquée dans différents pays du Sahel. Aujourd'hui, voilà, et donc il faut arriver à répondre à ça. Et c'est vrai que un certain nombre d'associations qui travaillent sur place peuvent le faire. Voilà, ils sont actuellement pas très nombreux. Évidemment, j'encourage effectivement à ce qu'on vote une prochaine délibération sur la Libye, puisqu'il y a un appel qui vient aussi d'être lancé sur la Libye, très complexe, parce que si le Maroc, c'est compliqué, bah, la Libye, c'est encore beaucoup plus compliqué. Dernière chose, moi, je ne vais pas prendre part au vote au regard des responsabilités qui sont les miennes dans l'association Cité. Sinon, ce n'est pas un désaccord sur le sens de l'orientation et de la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. L'ordre du jour est épuisé. Nous avons un vœu d'ensemble pour Bagnolet. Oui. Alors, ce vœu a pour objectif de réaffirmer en fait notre volonté d'avoir un commissariat de plein exercice à Bagnolet. Nous avions déjà porté un vœu en 2018. Suite à quoi il y avait eu une pétition qui avait été menée par la municipalité. Et je vais vous en proposer la lecture. En 2018, l'opposition avait proposé un vœu réclamant un commissariat de police auprès du préfet de Seine-Saint-Denis. Ce vœu a été voté par l'ensemble des élus du conseil municipal. Il évoquait l'insécurité que subissaient déjà les Bagnoletais. 5 ans plus tard, la situation n'a guère changé. On pourrait même considérer qu'elle a empiré. On peut même ajouter que le nombre d'habitants a augmenté, avoisinant dorénavant les 40 000. Au précédent conseil municipal, le maire a proposé une délibération approuvant la création d'une police municipale. Conscient du degré d'insécurité et d'incivisme dont sont victimes les habitants de notre ville, nous considérons que cela serait une occasion pour l'État de ne pas prendre ses responsabilités et de ne jamais doter notre... Aussi. De plus, au vu des contraintes financières de notre ville, ajoutées à des dotations de l'État en berne par rapport aux besoins des habitants, nous considérons impossible d'engendrer des dépenses supplémentaires. Aussi, soyons clairs, demander un commissariat ne nous empêche pas de dénoncer les violences policières, mais réduire le service public par la diminution des commissariats et des effectifs conduira inévitablement à une aggravation de la situation. Face au trafic de drogue, aux agressions, aux cambriolages, aux incivilités, au harcèlement de rue et en milieu scolaire, à la violence, dénonçant l'abandon de l'État et exigeant un commissariat à Bagnolet. Et j'en profite aussi, je voudrais, concernant le commissariat qui a été vandalisé et brûlé avant les grandes vacances, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez des nouvelles concernant ces locaux ? Est-ce qu'ils auront à nouveau comme vocation d'être une annexe ou pas, déjà pour commencer ? À la dernière question, j'ai pas de réponse. En revanche, oui. Alors, tout d'abord, je suis désolée, je vais sourire, mais je me réjouis de voir que la présence policière sur notre ville est au cœur des revendications des élus, parce que très sincèrement, ça ne transparaissait pas lors des interventions des uns et des autres au cours des derniers CM. Je salue par ailleurs la pirouette qui consiste à voter contre la création d'un service de police municipale limité à trois agents non armés au mois de juillet pour, au conseil suivant, essayer de se présenter comme ceux qui revendiquent en premier lieu le renforcement de la présence policière à Bagnolet via un commissariat de plein exercice. Profitons-en pour rappeler que cette revendication est surtout celle portée par le maire depuis 2014. Audience au ministère de l'Intérieur, courrier nombreux, alerte au Premier ministre en 2018, pétition lancée par la ville, tu l'as dit en présentant le vœu, mais ça n'est pas dans le texte. Je ne reviendrai pas sur l'erreur d'appréciation que vous faites, considérant que la création d'un service de PM serait l'occasion pour l'État de ne pas prendre ses responsabilités en matière de tranquillité publique, puisque c'est exactement le contraire qui se passe, mais comme d'habitude, sur ce sujet-là, vous ne me croyez pas. Au final, monsieur le maire l'a déjà dit en début de conseil, notre ancienne ASVP reçue au concours de police municipale sera finalement assermentée par le préfet et je m'en réjouis. Pour lui, qui souhaitait continuer à contribuer au bien-être d'une ville qu'il aime et qui s'est vue en juillet dernier montrer la porte par la moitié des élus de cette ville, et je m'en réjouis pour les habitants qui martèlent en conseil de quartier leur besoin de répondre aux incivilités du quotidien, notamment l'appel à la fourrière. En bref, et je vais terminer, parce que décidément, vous avez du mal. En bref, parce qu'en revanche, nous sommes cependant de notre côté droit dans nos convictions, et malgré le côté légèrement démagogique de ce vœu, nous le voterons, considérant que derrière des querelles de chapelle ou de tentatives d'effet de manche, le principal, c'est bien l'intérêt des Bagnoletaises et Bagnoletais, et donc de demander un commissariat de plein exercice. J'avais confiance en vous. Et c'est justement parce qu'on veut ce commissariat de plein droit et cette sécurité pour les Bagnoletais que nous avions refusé de concéder à vos mensonges et à vos manipulations lors du dernier conseil municipal. C'est ce que m'a dit votre nouvel ami, maire de l'Île-Saint-Denis, Mohamed Diabali, qui va lui aussi créer une police municipale. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que lors du dernier conseil municipal, vous nous avez tenu, et vous, madame Trigo, en tout premier lieu, le fait que le préfet refusait d'assermenter l'agent en question, il l'est aujourd'hui. Donc, on a refusé le principe de monter et d'organiser une police municipale dans cette ville. Mais les Bagnoletais obtenir un commissariat de police nationale, des commissariats de plein droit. Monsieur Stalin, il y a 38 villes en Seine-Saint-Denis qui ont une police municipale. Et sachez bien que. Bientôt 39. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Mais définitivement. C'est dommage. Mais sincèrement, ça ne me touche pas beaucoup que vous ne me croyez pas. Mais en revanche, c'est important que les habitantes et les habitants le sachent. Quand l'on fait appel à la police nationale pour des incivilités du quotidien, la réponse qui nous est apportée une fois sur deux, c'est on a autre chose à foutre, et la deuxième fois sur deux, c'est vous n'avez qu'à avoir une police municipale. Donc on verra bien ce qui se passe avec la reconstruction de l'annexe, effectivement, de la rue Malmaison, et nous en prendrons acte, nous aussi. En attendant, on a un policier municipal et je suis ravie. Bah, voilà. Aussi. Mais on aimerait avoir aussi des informations sur. Voilà. Super. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des observations, Monsieur De Noël? Bien, nous avons pris donc connaissance, nous aussi, de ce vœu qui nous interpelle à plusieurs titres. D'abord, sur la priorité politique. On a passé, effectivement, le dernier conseil municipal, dans les conditions conseil, une partie de l'été, à parler de police municipale, et désormais, l'urgence serait de parler de police nationale. Nous ne contestons en aucun cas que pour la police, comme d'ailleurs pour les autres services publics de l'État. L'État, donc, dote de manière inégale les territoires dans notre département, en subit le préjudice. Il essaye aussi, on l'a vu sur la question de la police municipale, d'imposer son dessaisissement, je le maintiens. Mais surtout, en l'occurrence, là, c'est la rentrée. C'est la rentrée et nos enfants n'ont pas d'instituteurs remplaçants ou de professeurs en nombre devant chaque classe. Les familles doivent encore se battre, heureusement parfois victorieusement, comme ça a été le cas il y a deux semaines à l'école Francine Fromont, pour que des classes ne soient pas fermées, pour que des moyens ne soient pas enlevés. C'est la rentrée et nos enfants n'ont pas les adultes qu'il leur faut pour les accompagner dans leur scolarité, permettre pleinement leur épanouissement. Vous le savez, c'est le cas des AESH qui sont en manque criant, mais aussi d'autres professionnels. Vous avez suivi au collège travail les familles qui se mobilisent pour une infirmière scolaire, pour une assistante sociale qui manque cruellement. C'est la rentrée et nous venons collectivement, humainement, j'avais presque envie de dire, de vivre le deuxième été le plus chaud sur notre planète. Nous vivons le mois de septembre le plus chaud de l'histoire de l'humanité et malheureusement sûrement l'un des plus frais des années à venir. Les changements climatiques sont concrets. L'adaptation est une course contre la montre. Et pourtant, nous regardons ailleurs. Pour que nos écoles, nos gymnases, les EHPAD de nos anciens, notamment, soient vivables dans les années suivantes, il y a une nécessité absolue de mobiliser tous les moyens humains et financiers à des niveaux inédits. Or, je le redis, il nous semble que nous regardons ailleurs. Personne ne nie les atteintes aux biens et aux personnes dans notre ville, et j'en parlais encore au conseil municipal du 6 juillet. Mais ce vœu nous interpellait, nous, par sa construction. Il nous semble d'abord qu'il y a un risque avec ce type de vœu, le risque de mettre en scène une communication politique qui signe une impuissance. Mais surtout, nous savons pertinemment que la solution concrète au trafic, aux violences, ne vient pas d'un commissariat. Si on prend par exemple le fléau des cambriolages que vous notez dans le vœu, et c'est une difficulté réelle dans notre ville, je pense qu'à peu près tout le monde y a été confronté ou des proches. Dans notre département, les statistiques du ministère de l'Intérieur d'avril 2023 sont formelles. Parmi les villes qui sont les plus sujettes au cambriolage, il y a en très bonne position beaucoup de villes qui ont des commissariats. Et puis surtout, et c'est pas rien, ce vœu fait l'impasse sur toutes les grandes propositions de la gauche pour lutter contre les trafics, contre les violences et pour une police au service des citoyens. Sur la question du trafic de drogue, on est le pays le plus consommateur, on est le pays le plus répressif. Les trafics s'accroissent et ça ne marche pas. Nombre de maires de terrain sont pour la légalisation, c'est une revendication nationale de plusieurs partis de gauche notamment. Et sur le fonctionnement de la police ensuite, nous sommes en faveur d'une police au service des citoyens et pour cela, comme dirait un orateur national, il faut revoir la police du sol au plafond. On l'a encore vu récemment avec la répression du mouvement social. On l'a vu aussi, vous le mentionnez dans le vœu, sur les violences policières. Il y a donc urgence à repenser la police, à repenser sa formation, sa déontologie, à mettre fin au contrôle aux faciès. C'est une mesure soutenue par l'ensemble des partis de gauche, à abolir l'IGPN, etc. Il est urgent surtout de prévenir la délinquance. Ça passe par un investissement massif dans l'éducation, dans l'action sociale. Il y a urgence à donner des opportunités à la jeunesse, urgence surtout à donner des perspectives à la population qui n'arrive même pas aujourd'hui, en cette rentrée, et j'y reviens en cette rentrée, à remplir convenablement son frigo, écrasé qu'elle est sous le poids de l'inflation. Il nous semble que l'urgence est sociale et écologique. Donc oui, il faut se battre effectivement pour que tous les services de l'État soient dotés, tous les services de l'État, à égalité, en Seine-Saint-Denis, comme partout ailleurs sur le territoire. Mais en élus de gauche, en élus écologistes, nous refusons que la priorité des débats de rentrée soit uniquement monopolisée par le sujet de la police, alors que le contexte que nous venons d'évoquer est clair et nous semble nous oblige. Nous refusons qu'ainsi nous participions à occulter des urgences criantes de notre temps et pour ces raisons nous voterons contre ce vœu. Quelques mots plus globaux que juste une réponse au vœu. Effectivement, il ne me semblait pas que c'était le conseil municipal pour l'aborder parce que nous y reviendrons plus tard. Mais on pense, en tout cas dans le groupe dont je fais partie au sein de cette majorité municipale, que la tranquillité publique, c'est un sujet dont il ne faut pas se voiler et s'empêcher de parler, mais qu'elle marche sur deux jambes avec un volet important de prévention. Et nous vous présenterons, et ça viendra dans les semaines ou mois à venir, la création d'un nouveau service de médiation avec des médiateurs recrutés en interne, puisque vous parlez de masse salariale en interne sur le personnel de la ville, considérant que c'est en globalité qu'il faut traiter ces sujets de sécurité, de tranquillité publique avec les ASVP, avec l'agent et prochainement les deux agents de police municipale, les médiateurs à venir et la police nationale, parce que nous travaillons ensemble. Et c'est cette politique globale, c'est y compris dans ce cadre-là que la ville finance un poste d'assistante sociale au commissariat, et c'est en partageant médiation et prévention, médiation puis répression qu'on peut avancer pour le bien-être et le bien des habitantes et des habitants de notre commune. D'autres observations ? Jean-Claude. Oui, merci. Sur ce vœu, il me semble qu'effectivement la création d'un commissariat de plein exercice est une vieille revendication sur laquelle on est à peu près tous d'accord. Ce qui me gêne dans ce vœu, c'est en fait c'est tout le paragraphe sur la police municipale, parce que je ne vois pas bien l'intérêt d'y revenir dessus sous forme d'un vœu. Le débat il a été tranché. Il n'y a pas de majorité dans ce conseil municipal pour voter pour créer un service de police municipale dans ce mandat. Donc je ne vois pas bien l'utilité de ça. Et effectivement, je trouve ce vœu assez court. Parce qu'effectivement, sur les questions de police, il y a des choses sur lesquelles il faudrait revenir sur le fond, question de formation, question de mission, parce que pour moi, c'est un peu ça aujourd'hui qui est, on parle beaucoup, à juste titre, des violences policières. Dans le fond, ce qu'il y a au fond derrière les violences policières, c'est la mauvaise formation des policiers, leur mauvais recrutement, et également un flou, enfin, c'est plus qu'un flou, mais en tout cas, un désaccord sur les missions accordées à la police. Quelles doivent être les missions accordées à la police ? Est-ce que c'est la répression tout azimut des jeunes, des quartiers et du mouvement social et des écologistes ? Ou est-ce que c'est la protection la sécurité des habitants ? Donc voilà, on est dans ce hiatus-là. Il me semble que sur la police, c'est ça le débat qu'il faudra avoir. Donc, pour ma part, considérant ça, je m'abstiendrai sur ce vœu. Juste un mot. J'entends tous ces discours. En tout état de cause, pour ce qui me concerne, je me refuse à envoyer les ASVP demander aux enfants qui ont entre 6 et 14 ans, qui jouent au ballon à proximité de la Villa Juliette, de leur demander d'aller cesser de jouer au ballon. Voilà. Juste, je le précise pour tout le monde. Puisqu'on fait des grands discours sur ce que devrait être une police nationale, le rôle d'une police municipale, en tout état de cause, croyez-moi que le rôle des ASVP, je sais très bien de quoi je parle, chère Valérie, le rôle des ASVP, c'est pas d'aller demander aux gamins entre 6 et 14 ans qui jouent au ballon place du 11 novembre, d'aller envoyer les ASVP. Voilà. Et je sais de quoi je parle, et ceux qui m'ont demandé ça savent de quoi je parle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Juste une question, parce qu'on ne voit pas de quoi il s'agit. Ça ne vous concerne pas, vous, ça concerne certains collègues de la majorité municipale. D'accord, oui, non, parce que... Voilà. Non, des fois, on se sent visé, mais ce n'est pas nous. Quoi. Ceux qui demandent ça savent ce qu'ils ont demandé. Voilà. Choqué à Dad. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, une intervention rapide pour abonder dans le sens de l'intervention de mon collègue Édouard Desnouëls, simplement pour dire que je tiens à exprimer de manière catégorique mon opposition au vœu qui est soumis ce soir à la délibération du Conseil municipal. L'objet du vœu consisterait à acter le principe que le Conseil municipal exigerait la création d'un commissariat de plein exercice à Bagnolet. Alors, dans un premier temps, soyons clairs. La sécurité des habitants de notre ville demeure une priorité indiscutable. Mais je reste profondément convaincu que ce vœu n'est pas nécessairement la réponse adéquate aux nombreux défis auxquels notre ville fait face en matière de sécurité. Je voterai donc contre ce vœu, hein, comme exprimé, et je tiens quand même à expliquer clairement les raisons qui motivent ce choix. Il est important de souligner dans un premier temps, et très important, un certain nombre de préoccupations légitimes concernant les violences policières, les discriminations qui ont émergé, en particulier ces dernières années. Les nombreuses manifestations au niveau national que nous avons pu voir émerger également ces dernières années, comme celles notamment liées aux Gilets jaunes, ont cruellement mis en lumière des pratiques inquiétantes, avec en résultat de nombreuses manifestations gravement blessées, notamment à la tête, voire même pour certains d'entre eux, qui ont été éborgnés. Par ailleurs, la mort tragique de Zineb Redouane lors de l'une de ces manifestations demeure une cicatrice douloureuse et cela nous rappelle qu'il est impératif de revoir en profondeur les pratiques de l'institution policière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il me semble également fondamental d'évoquer, et avant même d'exiger un quelconque commissariat à Bagnolet, la question de la manière dont nos forces de l'ordre, aujourd'hui, rendent compte de leurs actions au quotidien. Actuellement, le manque flagrant de transparence et de mécanismes efficaces de responsabilisation suscite, à juste titre, des inquiétudes au sein même des habitants de notre ville à Bagnolet. Nous devons d'exiger la mise en place d'un système de surveillance de la police qui garantisse son obligation de rendre des comptes à la société qu'elle est censée servir. Pour autant, au-delà de ces enjeux essentiels, nous devons collectivement réfléchir à la nature même du vœu dont il est question aujourd'hui et qui est soumis à délibération. Il me semble fondamental que notre action politique devrait refléter la volonté de créer une police qui protège les droits et la sécurité de tous les citoyens. Une police qui agisse avec un professionnalisme irréprochable. Une police qui fasse preuve de respect envers chaque individu et qui exerce la plus grande retenue de l'utilisation de la force. Par ailleurs, nous ne devons pas ignorer les cas de bavures policières qui ont ébranlé la nation tout entière depuis tant d'années, en particulier ces dernières années, avec bien souvent des issues tragiques. On pourrait citer, par exemple, le cas tristement célèbre de la mort d'Adama Traoré, ou encore plus récemment celui de Naël, et tant d'autres. Ces tragédies sont des rappels douloureux de la nécessité de réformer en profondeur l'institution policière en tant que telle, ainsi que leurs pratiques. Le contrôle politique et la participation citoyenne doivent jouer un rôle central dans notre prise de décision. La gestion de la police ne saurait être laissée à la seule discrétion des autorités policières. Nous devrions plutôt demander la mise en place d'un mécanisme de contrôle politique efficace, où la police rendrait des comptes aux représentants politiquement élus. Nous pourrions également faire le vœu que les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance soient la pierre angulaire de l'élaboration d'une politique plus globale en matière de sécurité, avec une participation active des citoyens, encore plus qu'aujourd'hui. En résumé, plutôt que de concentrer nos débats et nos ressources sur la création d'un commissariat de plein exercice à Bagnolet, nous devrions envisager des approches alternatives pour renforcer la sécurité sur notre ville. Investir dans l'éducation, le social, comme il a été rappelé, la médiation, comme il vient juste d'être annoncé, c'est essentiel pour créer un environnement propice à la prévention de la délinquance et à la résolution pacifique des conflits. En soutenant des initiatives telles que des programmes de médiation à l'échelle de la ville, avec la participation active des citoyens, tout en renforçant les activités et actions proposées aux jeunes avec des services sociaux améliorés notamment, nous pourrions réduire la demande exprimée en matière de répression policière. En conclusion, plutôt que de soutenir ce vœu en faveur de la création d'un commissariat, nous devrions travailler en harmonie pour exiger une réforme de notre système policier, tout en s'assurant qu'il rende des comptes de manière transparente et qu'il serve l'ensemble des habitants de notre ville. C'est pourquoi je vous encourage à rejeter ce vœu, mais je pense que l'issue est claire, et à soutenir résolument des réformes profondes pour une police plus équitable et transparente, à Bagnolet notamment. Je vous remercie. Monsieur Vionnet, Madame Le Bourris. Juste un mot très rapide à l'heure qu'il est. Nous voterons bien ce vœu parce que nous l'avons déposé. Pour moi, il n'y a pas de concurrence des urgences. On insiste, je pense, assez souvent sur l'urgence écologique, mais ça ne doit pas pour autant amener à minorer l'attente légitime des Bagnoletais à la tranquillité publique. Ensuite, effectivement, je pense qu'on peut tout à fait échanger sur un certain nombre de problèmes nationaux de notre pays, notamment sur les conditions de maintien de l'ordre, qui est effectivement un problème malheureusement ancien dans notre pays, sur l'importance de la prévention et des politiques sociales. Mais là, l'objet de ce vœu était relativement simple. C'était de réaffirmer la demande d'un commissariat de plein exercice dans cette ville qui, je pensais, était l'objet d'un consensus très large, simplement parce que je pense que c'est un droit des habitants d'une ville de 40 000 habitants environ de disposer d'un commissariat de police de plein exercice. Mais je ne m'étends pas plus, je laisse les débats internes à la majorité. Sérine Le Bourris. Non, pareil, je ne vais pas m'éterniser, mais... À aucun moment on a parlé de répression policière. Je trouve que c'est limite une injure, Monsieur Shaouki Haddad. Comme d'habitude, vous comprenez. Enfin, je vais pas débattre parce que pareil, il se fait tard et puis on a tous envie de rentrer à la maison. Mais à un moment, enfin, je veux dire, personne ne parle de répression policière. Après, quand j'évoque la police municipale, c'est justement parce que pour le préfet, ça va être une occasion de nous le refuser, ce commissariat de plein exercice, parce qu'il y aura le prétexte de la police municipale, c'est tout. Mais voilà, vivre. Enfin. Et bien évidemment, moi-même qui suis militante communiste, je vais dénoncer les violences policières et je l'ai toujours fait. Et on a, comme dit aussi Pierre, on évoque tous les sujets. Je suis enseignante, je vais le rappeler ce soir, donc je sais bien qu'en Seine-Saint-Denis, il y a effectivement un grand problème au niveau des recrutements des enseignants. Et en ma qualité d'enseignante, j'ai assez fait grève justement pour le dénoncer. Donc voilà, vouloir hiérarchiser l'urgence, là, je le comprends pas. Je trouve ça à la limite d'une grande démagogie parce que effectivement, il y a aussi une attente de la part des habitants et personne dans cette ville et pour la répression policière. Et on l'a bien vu qu'à Bagnolet, et tout le monde ici les dénonce, les violences policières. Donc à un moment donné, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je ne vais pas m'éterniser parce que ça ne sert à rien. Mais parfois, M. Shaouki Haddad, voilà, n'interprétez pas ce qu'on n'a pas dit. Ok, alors je peux me permettre. Excuse-moi. Ok, très rapidement. Je pense que... vous devriez peut-être écouter à tête reposée ce que j'ai dit, parce que c'est pas ça le sujet du tout. C'est pas du tout ça le sujet. En fait, en tant qu'élu, il me semble qu'on doit répondre avec une certaine honnêteté intellectuelle et un certain pragmatisme. Ces questions-là que vous abordez, elles n'ont pas été citées dans ce vœu-là. On parle pourtant de la police municipale, on parle pourtant des débats, ils y sont fait référence dans ce vœu-là. Mais si ces questions-là étaient si fondamentales pour vous, pourquoi vous ne les avez pas ajoutées dans ce vœu-là, tout simplement? Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. D'autres, Émilie et Jean-Claude Oliva. Deux mots, en fait. Le premier, c'est que Solène, moi, je ne reproche pas les violences policières, je condamne les violences de policiers, ce qui évite de mettre tout le monde dans le même sac. Et ensuite, j'entends le « oui, mais si on a une PM, on n'aura pas de commissariat ». Je sais, c'est l'argument. Et c'est vrai que ça a bien marché depuis 2018 qu'on fait des pétitions. On tient, on n'a pas de PM et on a un commissariat. Ah ben non. Du coup, il faut peut-être changer notre fusil d'épaule. Jean-Claude Oliva. Oui. Moi, ce qui me semblait essentiel, c'est qu'il faut effectivement qu'on ait un débat sur un vrai débat politique de fond sur les questions de sécurité, de police, etc. Et là, c'est un peu court, je dirais, à travers ce vœu, pour l'avoir. Voilà. Donc, mais par contre, il est souhaitable qu'à gauche, qu'entre forces politiques et citoyens qui sont tous de gauche et écologistes, ce débat ait lieu et plus largement dans notre ville. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais retenir. La deuxième chose, c'est que nous, bien sûr, on est complètement en phase avec la proposition de créer une médiation sociale. Ça nous convient beaucoup plus que la police municipale. Je ne reviens pas sur le débat qu'on a eu l'autre fois, mais c'est pour les tracas du quotidien, y compris pour les jeux de ballon, c'est la médiation sociale qu'il faut. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Créons-la vite. Donc je me réjouis que ça soit maintenant dans les tuyaux et que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on aura un service de médiation sociale et environnementale dans cette ville. C'est de ça qu'on a besoin. Ce débat est extrêmement intéressant. Je comprends que ça puisse déranger d'avoir le mot police municipale dans un vœu. En fait, la question qui est posée, c'est est-ce que oui ou non, les bagnoletaires ont droit à avoir un commissariat de plein exercice ? C'est ça le vœu, c'est rien d'autre. Donc je pense que oui. L'État pense que non. Donc continuons à nous mobiliser pour que ce soit le cas. En fait, je pense. Parce qu'après, on peut avoir tous les débats que l'on souhaite sur les débats de fond, sur une politique de médiation, une politique de tranquillité publique, une politique de médiation. Mais en fait, tout ça, ce sont les différentes branches d'un même arbre. En fait, à un moment donné, les bagnoletais ont droit à la tranquillité publique. Je suis désolé. Les bagnoletais ont droit à la tranquillité publique. Je pense que je vais vous faire suivre les formulaires que je reçois sur le site de la ville au quotidien. Et tous les jours, nous avons, pas plus tard que ce soir, comment fait-on respecter la fermeture du parc Audin. On fait passer des agents d'astreinte, et puis quand il y a des gens avec des chiens méchants, il faut passer à un stade supérieur. Comment fait-on respecter la fermeture du square Ferry lorsque vous avez des véhicules à l'intérieur du square et des types qui picolent et des types qui fument? Voilà, à un moment donné, il faut parler français. Donc, parlons français, évitons les faux débats, et il faut traiter sur les différentes facettes qui sont les nôtres, modestement. Médiation, policiers municipaux, mobilisation en direction de l'État sur un commissariat de plein exercice. Et voilà, quoi. Et évitons-nous des polémiques stériles sur ce qu'est l'urgence climatique, l'urgence sociale. J'ai eu l'occasion de croiser, il n'y a pas plus tard que 15 jours, le maire de Grenoble. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il ne prenait pas en compte les questions de tranquillité publique. Voilà. Et le maire de Grenoble est très à gauche, très écologiste. On attend ses annonces mi-octobre. On attend ça avec impatience, ce qu'il va nous annoncer mi-octobre. Mais à un moment donné, ne nous faisons pas ce type de procès entre nous. Effectivement, on est de gauche et on est pour que les bagnoletais puissent vivre en toute tranquillité. Et on condamne tous les violences policières, les violences de policiers comme David et Émilie. Donc évitons les faux procès. Je propose de passer aux voix. Qui est pour l'adoption de ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Et je vous propose de désigner a posteriori Sébastien Gricourt comme secrétaire de séance. Qui est pour ? Qui est contre ?